Vous écoutez Radio Show Football, la bande à Baggio, l'émission 100% foot. Les Brésiliens sont en blanc, Amédi Pelé. C'est un but fabuleux. On retraite, c'est bien fait. Allez mon petit bonhomme. It comes for Cantona! I don't believe it! La frappe de Neymar! Quel but! Le face-à-face! Ouais! Et voilà! Antoine Griezmann à la 27e minute! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille! Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de la bande à Baggio. Ce soir avec moi j'ai Gabi, salut Gabi. Salut à vous. J'ai Joseph aussi, salut Joseph. Salut à toute l'équipe, salut les auditeurs. Et puis Thibaut, salut Thibaut. Salut les gars, salut à tous les auditeurs. Voilà, donc ce soir on va aborder différents thèmes, hein, comme à chaque fois, avec la Ligue 1. On va commencer par la Ligue 1 qui s'est déroulée samedi dernier. Même on a commencé vendredi avec ce festival de buts de l'OM, même un festival de buts tout court, hein, parce que le match est terminé par 6 buts à 3. Voilà, donc bah, Marseille qui enchaîne, qui marque beaucoup, hein, déjà 6 buts, ça faisait depuis Marseille 3, hein, il y a deux ans à peu près, que Marseille n'avait pas marqué autant de buts. Je vais juste dire un truc là-dessus. Bon, moi je suis juste un peu frustré quand même d'avoir pris 3 buts. Enfin, à la rigueur, on serait pris qu'un but, ça aurait été pas mal, mais s'en prendre deux d'un coup comme ça, je trouve que ça a un petit peu gâché la fête. Il y a eu un gros relâchement de l'équipe après le 6-1, quoi, et je trouve que c'est pas. Il y a encore ce truc à gérer, à corriger, voilà. De rester concentré, malgré que tu mènes 6 buts à 1, ben faut rester concentré jusqu'à la fin du match. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de cette équipe de Marseille vendredi dernier? Moi j'ai trouvé ça très intéressant, je veux dire, le fond de jeu commence à être intéressant, Rudy Garcia. Après, faut pas oublier, avant, quand il y a eu 3-0, que Metz a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps, et sans Mandanda, je pense. Oui. Metz aurait pu réduire le score bien avant. Donc que Metz mette 3 buts dans ce match, c'est pas une surprise vu le duro de match, parce qu'il méritait au moins de marquer. Après, Marseille pourra faire attention, parce que surtout ce qui a manqué, surtout c'est, sur les gros matchs contre Lyon, qu'ils ont perdu, contre Monaco, c'est de la rigueur, du relâchement. Mmh. Et ça s'est payé cash sur Monaco et Lyon. Et puis on verra après ce que ça donnera au Parc des Princes, mais il manque cette rigueur encore pour qu'il soit au niveau des meilleures équipes du championnat. Ouais. Et toi Joseph, t'en as pensé quoi peu de ce match Bah moi j'ai beaucoup aimé la prestation marseillaise dans l'ensemble, parce que c'est vrai que ils ont respecté leur slogan droit au but. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu cette dynamique, cet état d'esprit. Ils continuent sur la bonne dynamique du moment, et je trouve ça intéressant. Et j'ai même envie de dire que les deux buts à la fin du match. C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, parce que du coup ça a permis de révéler les leaders. Oui, voilà. même si on s'en doutait, enfin quand on voit que c'est Luis Gustavo tout de suite à la fin du match qui dit que c'est pas normal, qui est suivi après par Adil Rami, si je dis pas de bêtises, on a des joueurs qui prennent leur responsabilité, et le fait que ça soit sans frais, c'est peut-être intéressant pour eux. Parce que du coup, bah ça va forcément augmenter leur attention sur les matchs en général. C'est sûr. Gabi, on avait commencé à parler un petit peu de ce match-là. Ouais. Déjà, il y a eu deux buts en l'espace de 2 minutes. Le match était déjà plié à la 8e minute, de toute façon. Mmh. Bah, je pense que l'OM avait tellement bien commencé ce match que c'était sincèrement impossible que l'OM perde. Je voyais pas du tout l'OM se faire remonter au score. Même les buts de Metz à la fin du match, pour moi, ils veulent rien dire du tout. C'est une histoire de golaverage au final. Ouais. Peut-être après, ils ont fait tout un pataquès là sur Gustavo à la fin du match dans le rond central. Il y a pas un joueur qui l'écoute. Ils sont autour de lui. Enfin, j'ai pas trouvé ça hyper hyper frappant, hyper choquant. Pour moi, l'OM aurait pu gagner peut-être encore 7-2 ou 7-1, mais On va dire qu'au goal average, ouais, s'il comptait prendre des buts d'avance sur Lyon et Monaco, ouais, c'est un peu raté vu que malgré leur bonne prestation. Ouais, voilà. Mais sinon, l'OM est tellement dans une bonne série en ce moment, une bonne spirale, que je pense que la fin de saison va être très difficile pour les concurrents. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que Marseille, ça peut être cette surprise? Alors, je dis pas que Marseille peut être champion, parce que je pense que c'est fini. Rattraper Paris, ça va être compliqué, à moins d'un cataclysme. Je sais pas combien il y a de différence entre le premier et le deuxième. J'ai pas du tout le... 11 points. 11 points, voilà. Donc, bon, faudrait quand même que Paris foire complètement cette fin de saison, ce que je pense pas. Mais est-ce que vous pensez que ça peut être vraiment un grand prétendant de cette deuxième place qui, pour moi, va se jouer contre Monaco? Ça va jouer à la Coupe d'Europe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça va prendre beaucoup d'énergie. Ouais. Donc, pour l'instant, Marseille joue pratiquement une à deux fois par semaine maximum. Et la Ligue Europa vient la semaine prochaine contre une équipe Braga, qui va pas être facile à jouer. Donc, ils vont puiser pas mal d'énergie. Et puis, là, Marseille, s'il va être deuxième, ils n'ont pas le choix. Ils devront faire un gros résultat contre Lyon au Vélodrome et aller faire un résultat au Parc, qui est loin d'être fait. Et si à ce match-là, ils s'en sortent bien, ils pourront viser la deuxième place. De toute façon, on en avait déjà parlé. Il va falloir qu'ils fassent un choix entre se donner tout pour à Braga ou essayer de se contenir pour le match de Paris. Ça va être un choix cornélien, hein, de toute façon. Bah moi, justement, je pense que pour qu'ils soient dans la course à la deuxième place jusqu'au bout, justement, il faut qu'ils lâchent aucune compète. Quand tu es sur une dynamique comme ça, même si elle est voulue, bon, ça fait bizarre de dire ça pour des sportifs de haut niveau, mais la défaite, ça a jamais du bon. Je pense vraiment qu'ils, et en plus, ça va leur permettre d'apprendre, ça va leur permettre aussi de concerner un maximum de joueurs, parce qu'à partir du moment où tu as moins de compètes, la rotation, ça tourne moins. Alors que là, tu vois, par exemple, le match de coupe, on a eu droit à Mitroglou titulaire, par exemple. Voilà, s'il y avait que du championnat, je pense que Mitroglou, il jouerait plus. D'ailleurs, j'ai bien aimé l'action de Payet pour Mitroglou. Il aurait pu marquer 1000 fois, hein, Payet. Hein. C'est vrai. C'est Il a préféré passer pour Mitroglou. Moi, mon avis personnel sur Mitroglou, alors j'en ai pas dit du bien la dernière fois parce que je le pensais. Il a pas fait de bonnes prestations jusqu'à son but face à Metz. Mais je serais moins sévère envers lui qu'à l'époque où il y avait Gignac à Marseille, où là, Gignac, j'avais été très sévère de ses prestations jusqu'à ce que Bielsa arrive. Parce que pour moi, Gignac devait partir de Marseille, parce que pour moi, c'était un mauvais pion pour cette équipe-là. D'autant plus, là, pour Mitroglou, je suis un peu plus indulgent avec lui, parce qu'il est arrivé dans des conditions qui n'étaient pas forcément propices. Il a été acheté dans des conditions, vraiment dans les dernières minutes. Je pense qu'on lui a fait miroiter pas mal de choses. Faut s'adapter à un climat comme Marseille, une équipe comme Marseille. Je vais être plus indulgent avec lui. Je pense que là, je sais pas si les buts qu'il a marqués, même hier en Coupe de France, ça va lui redonner... je pense que ça peut lui donner que du bien, hein. Ça peut lui redonner le moral. Et là, on va voir ce que va vraiment donner Mitroglou en cette fin de saison, quoi. T'es trop indulgent, je pense. Je suis trop indulgent, mais c'est Bourperona, c'est le FCMS. Ouais, hein. Voilà. Non, mais c'est sûr. Voilà, je suis indulgent, mais bon. Et tu sais, il suffit de pas grand-chose des fois pour redonner confiance à un joueur. Hein, tu sais. Mais est-ce que t'as vu comment il se déplace, le joueur? Ouais, mais voilà. Mais c'est ça mon gros couac, c'est que quand tu regardes les buts, même hier son but, je crois que c'est son premier but là contre, même sa passe. Je sais pas. J'espère. La passe qu'il a. La passe qu'il a fait pour Thauvin hier. Je sais pas. Il a un. Ouais. Il a une posture qui est bizarre en fait. Comme s'il avait mal au dos hein, quand il marchait, je sais pas. C'est un peu comme Deschamps quand il jouait au foot. Deschamps, il était toujours cambré, Deschamps, quand il jouait, lui. Il avait une drôle de façon de jouer. Et lui, c'est un peu pareil. Je suis indulgent avec lui, mais bon, je me dis que là, les buts qu'il a marqués, il en a marqué 4 en l'espace de 2 matchs. Ça peut lui donner que de la confiance et on peut voir après. Il a quand même. Alors je sais que le championnat portugais, c'est pas un. Je peux pas dire que c'est pas un grand championnat, mais il a quand même planté 15 buts avec Benfica. Bon Il était bon à cette époque aussi. Il était bon à cette époque, mais il y a combien de temps? Il y a 2 ans, non? Il y a pas si longtemps que ça qu'il était à Bah, Benfica. il a joué contre Lille ou Monaco là en Ligue des Champions il y a longtemps là, je sais plus, je crois que c'était Lille. Ouais. Mais ça date d'un moment, hein, Ça date d'un moment. Bon, je suis c'est peut-être trop vieux. indulgent avec lui, mais j'ai envie d'y croire à ce mec-là. Alors peut-être qu'à la Ouais, fin moi de je te la. suis, Nico. Bon, Ouais, genre, moi je te ouais, suis. voilà, j'ai envie d'y croire. Moi je J'ai te suis. envie de dire que ce mec-là, il a marqué. Voilà, et qu'il a peut-être au prix de la confiance. Je dis pas que ça va être le meilleur buteur de l'équipe, peut-être qu'il sera vendu en fin d'année, mais j'ai envie d'y croire, tu vois. Voilà, bon, je vais peut-être me planter, hein, je le reconnaîtrai que je me suis planté, mais voilà, c'est peut-être pas un joueur élégant, mais c'est peut-être un mec qui peut planter, quoi. Non, moi où je te rejoins, Nico, tu vois, bah, t'as l'exemple en fait de la passe D de Payet sur le match de Metz. Ouais. C'est typique en fait du groupe Voilà. qui lâche pas son coéquipier. Donc Le ça groupe des montre biens à justement, Marseille, on sent voilà, vraiment une équipe ça soudée. montre déjà qu'il y a un bon état d'esprit. Et je pense que les mecs sont conscients, parce que c'est vrai que nous on voit les matchs, mais on voit pas forcément les entraînements. Et je pense que si Garcia il renouvelle sa confiance, même si des fois c'est pas forcément bien fait, quand le match du Monaco où il fait rentrer qu'à la dernière minute, je pense que voilà, s'il le fait jouer quand même, c'est Bah, qu'il a c'est quand même qu'ils. confiance en son Voilà. joueur. C'est qu'il y croit, c'est qu'il voit des choses à l'entraînement qu'il voit pas en match, et tout ce qu'il lui faut, ben, C'est de c'est la de reproduire. confiance. Après, peut-être que dans trois podcasts, on dira, mais quel escroc ce mec, qu'est-ce qu'il fait dans ce club? Possible Ah, aussi. je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Ouais. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà, donc victoire de Marseille 6 buts à 3. Et Marseille qui est donc deuxième avec 51 points. On passe au match de 17h du samedi 3 février avec le PSG qui a battu sans problème le LOSC 3 buts à 0. Gabi, alors un petit peu, t'en as pensé quoi de ce match de Ah, c'était Paris? un match, un beau match, un beau petit match, on va dire. Avec ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a eu des beaux gestes techniques pendant ce match. Ouais. C'est pas des buts de bourrin, on va dire. Bah, il y a malheureusement l'histoire. Alors là, ah ouais, faut en parler de ça parce que je suis un peu triste par rapport au premier À la but parce mi-temps, que ouais, à avec la mi-temps déjà. un des dirigeants Avec du Campos. LOSC qui a traité Avec de Campos, ouais, qui pète un voilà, câble. qui a Déjà, complètement pété un câble, qui ah. dit il y avait 2 mètres hors jeu, il a répété je sais pas combien de fois, il s'en est pris aux arbitres. Ouais. Bon, déjà, si le LOSC a des gens comme ça dans ses dirigeants, moi j'ai pas aimé l'attitude de Galtier de cette personne, en fait, qui toute la semaine font la morale sur plein de sujets, etc., Qui a taillé etc. Neymar aussi Et que. ouais, il se permet de dire qu'à cette époque-là, lui, il l'aurait cassé comme Dacour. Alors Dacour, j'ai du respect pour son reportage qu'il a fait, mais à part d'ombre, mais les phrases qu'il sort, nous, le beau jour, on n'en a rien à faire, etc. Et puis des joueurs comme ça, à notre époque, on les aurait cassés au Ben, bout de 2 secondes. on en reviendra tout à l'heure si ça te dérange pas, Ouais. parce que Ouais, du bien coup sûr, j'avais un petit tu truc voulais en parler sur à la lui, on fin? en parlera Ouais. tout à l'heure justement. Ouais, donc Oui. ouais, le PSG, le premier but, c'est assez clair, il y a Cavani qui est hors jeu, ça c'est clair et net, et il fait action de jeu parce qu'il empêche le défenseur de dégager de la tête de Lille. Donc il est. Voilà, il est. La balle repart sur Berchiche. Et puis, mais Lo Celso, c'est un bon point pour moi, Lo Celso, parce qu'il progresse vraiment ce joueur. Et j'ai adoré son lob en fin de match. Ça voit Ah, il est toute la magnifique le confiance qu'il a. lob. Et ça Si je peux montre me tout permettre, l'attention. c'est pas la première fois qu'il fait ce geste-là, parce que si vous vous souvenez, moi je viens de pas mal de matchs de Lo Celso, bien sûr, et puis plusieurs fois il a tenté ce piqué, donc En s'il le réussit, Argentine. c'est pas surprenant. Non, mais même au parc, et fois j'ai vu un moment tenter un lob comme ça, c'était toucher la barre, il Ouais, frappe de peut-être. balle, Ouais. il est pas loin de marquer, mais c'est pas la première fois que je vois tenter ce Mais geste. c'était peut-être pas aussi significatif que dans Non. cette période, on va Là, il dire, est en pleine de. confiance, et puis Ouais, surtout, voilà. il a, sur le terrain, on sent qu'il prend du plaisir, il est toujours souriant, il rate jamais. Et puis, et en plus, à la base, il faut oublier que c'est un numéro 10. Ils lui ont Ouais, mis au voilà, c'est poste ça. 6. Hein, c'est. Ah, moi, ça me révoltait hein, qu'il joue défensif là, à la place de Thiago Motta. Ça m'insupportait, on va dire. Mais ce qui est intéressant avec Lo Celso, c'est que c'est là qu'on voit la différence de mentalité. On parle souvent de la formation à la française. En France, en fait, on fabrique des enfants gâtés. Quand on voit que le poste, en gros, enfin, la porte de la sentinelle parisienne, elle est ouverte, elle est grande ouverte pour Rabiot. Et le gars, en fait, il en veut pas. Il y a un mec, c'est pas du tout son poste, c'est pas du tout son jeu d'être à la récup, à la relance. C'est plus un créateur. Bah, le mec, il se dit, bah, moi, pour jouer, je vais y aller. Et je me dis, ce serait marrant que pour les grosses échéances, bah, que quand Thiago Motta va revenir et quand il faudra faire un choix, bah, justement, que cet état d'esprit Soit récompensé. soit récompensé par Emery et que il fasse plus confiance à Lo Celso qu'un Rabiot. Parce que ouais, exactement, parce que tout à l'heure, tu sais, je pense qu'on parlera de la Coupe de France et de la performance de la Sanad Diarra, mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais c'est exactement ce que je vous avais prédit avant qu'il arrive au PSG. On en parlera tout à l'heure. D'accord, pas de soucis. Coup franc de Neymar qui était pas mal aussi, hein, son coup franc, petit joli coup franc. Hein. Ouais, ouais, magnifique coup franc. Hein, il est très à l'aide dans cet exercice-là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un joueur au PSG de marquer autant de coups francs cette année. Il en est à son troisième, je crois, coup franc direct contre Bordeaux, était magnifique, contre Dijon. Et ils sont tous magnifiques, ces coups francs, de toute façon. Parce que c'est, en plus, il le tire pas du tout à confin. Il le tire vraiment là où il y a le gardien. C'est ça qui est encore pire, quoi. Enfin, c'est ça qui est encore plus joli, quoi. C'est qu'il le tire presque en face du gardien. Le gardien ne peut strictement rien faire. Et puis il a raté le premier juste avant. Juste 5 minutes avant, il rate le premier. Puis il y a la discussion avec Thiago Silva qui lui a dit que Manier anticipait. Donc après, il la met bien. Je veux dire, c'est millimétré. C'est ce que disait l'entraîneur du LOSC, Christophe Gattier, c'est que de mettre fin de faute à ce niveau-là, c'est comme donner un penalty à l'époque de Platini. Platini ou de Juninho aussi, quoi. C'est ça. Ouais. Enfin, Juninho, tu pouvais le donner à n'importe quel endroit, il te le marquait de toute façon. Ouais, ça rentre. C'est clair. Par rapport au coup franc de Neymar, dans ma tête, je me suis dit heureusement qu'il la met. Heureusement qu'il la met, parce que vu que Cavani voulait le tirer. On était reparti. Non, je veux dire que s'il le met pas. Ils rigolaient les deux entre eux. On était reparti pour une semaine de polémique. Voilà, sur l'équipe 21 peut-être, ouais. Ouais, bon, dans l'équipe 21, ils aiment bien faire des polémiques. Hein. Ouais. Leur dernière, là, c'était... Est-ce que c'était irrespectueux de faire à l'anniversaire voilà. Non, je croyais que t'allais dire qu'ils ont fait pire que cette histoire d'anniversaire, c'est qu'ils ont mis un mauvais logo du FC Metz pendant leur émission. En plus, qui avait été piraté sur internet, ils l'ont repris en fait en pensant que c'était le vrai logo sans vérifier. Sans déconner. Il y avait une chèvre en fait à la place du dragon. c'est magnifique. Oh là là. Ah mais Estelle Denis, hein, voilà. C'est fou, hein. C'est censé connaître le football. C'est quand même grave. Bref, on revient pour le match. Il y a peut-être une pardon, c'est encore Marco Verratti qui prend un carton jaune, quoi. Et voilà. Mais il s'en prend tous les matchs, lui. Voilà. Hier, il s'en est pris un. En plus, il a montré à l'arbitre qu'il était nul parce qu'il avait fait zéro avec son doigt, enfin avec sa main, il a fait zéro, comme quoi l'arbitre c'était une chèvre. Mais franchement, il se prend carton sur carton, c'est pas possible, quoi. Il est pas intelligent, ce joueur. Bah, il est en retard surtout, il fait des fautes inutiles, l'équipe gagne 2-3-0, il se prend un carton. Il n'a aucune intelligence de jeu, voilà. Ce garçon. Aucune intelligence. Bah, il va se remettre à jouer quand Thiago, le grand frère, il va revenir, quoi. Bah, il y a un moment, il fait une belle action sur le but de Di Maria, le but du 3-1, je trouve qu'après. Après, c'est sûr que Marco Verratti est un joueur plein de talent. On sait techniquement, il est à l'aise, etc., mais par moment, il a tendance à se porter. Il devrait, fois qu'on s'y fout contre lui, arrêter de venir pour protester. On est tous d'accord que ce joueur-là est quand même a énormément de potentiel. Il est très bon, enfin il est quand même bon, mais le souci c'est qu'il n'est pas assez intelligent. Et le truc c'est que entre guillemets la connerie prend plus le dessus sur ses qualités, quoi. Bah, quand je parlais de la formation à la française, bah en fait Verratti c'est francisé. Ouais. C'est devenu un enfant gâté à Paris, voilà, c'est. En plus il est dans un grand club, donc il y a un environnement un peu plus permissif que s'il était à Toulouse ou à Amiens. Qui fait que voilà, de toute façon je suis à Paris, je peux prendre un jaune, ça impactera pas les résultats de mon équipe. De toute façon c'est Marco Verratti, fin de la saison, il s'en va de toute façon. Ouais, mais à un moment qui en voudra qui va aligner l'argent aussi pour le même salaire aussi, ouais. Parce que l'année dernière, il aurait pu partir à Barcelone. Ouais. Mais s'il avait eu un meilleur agent, il serait parti, je pense. Ouais. Je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Et je pense qu'il aurait même servi de monnaie d'échange pour Neymar. Ça aurait coûté moins cher. Il va revenir en Italie de toute façon. Là. Je vois pas où il peut aller ailleurs. Tu sais, Verratti, quand tu connais sa carrière, il est parti de la campagne de Pescara pour arriver au PSG. Hein. Ouais. C'est un campagnard, entre guillemets, qui a vu plein d'argent d'un coup et il était jeune aussi. Ouais. Il est un peu dans l'esprit, tu sais, de comment il s'appelait l'avant-centre du Milan qu'on a vu dans Main par d'ombre là. Cassano. Cassano, Bégalisation Montpellier. C'est le même genre de joueur qu'Asano en fait, Verratti. C'est des joueurs qui n'avaient pas d'argent en fait quand ils étaient jeunes. Ils essaient de gagner de l'argent à droite à gauche. Mmh. Et d'un coup, Verratti, je pense que ça lui est monté à la tête tout cet argent. Et puis, comme tu dis, il en a un peu rien à faire de jouer au foot en fait. Ouais, je pense que je vais pas dire qu'on l'a complètement perdu, mais s'il veut avoir la carrière que son talent mérite, ouais, faut qu'il parte de Paris. Mais t'es d'accord, Joseph, que avec ce talent-là, jamais l'équipe d'Italie aurait dû se faire éliminer de la Coupe du Monde. C'est clair. Il a pas été assez sérieux, hein, de toute façon, hein, pour les. Mais déjà, on voit, voilà, enfin, le mec, il est même pas allé au match retour avec l'accumulation des cartons. Et les gros clubs, ça, ils le regardent aussi. Ils regardent pas forcément que la qualité du joueur. Ils regardent aussi au niveau de la discipline. Balotelli, c'était pareil. Mais c'est pour ça qu'à un moment, il trouvait plus de club, Balotelli. Hein. Voilà, ouais. tout le monde était d'accord pour dire que c'était un super joueur. Mais tu peux pas te dire, alors, ce joueur-là, voilà, j'ai 38 matchs de championnat dans l'année, mais je sais que potentiellement, au maximum, il pourra en jouer que 30 parce que faut budgéter, entre guillemets, les matchs de suspension. Quoi. C'est sûr. Ouais. Vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur ce match de Paris? J'ai trouvé une bonne entame de match de Lille, hein, malgré les deux buts. Ouais. Après, on les a sentis, je sais pas, vous souvenez du regard des Lillois complètement crevés en fin de première mi-temps. Oh mon dieu, les mains sur les hanches, les genoux, à la 45e, ça fait mal. Ouais. En plus, ils se prennent le but. Ils font fatigue beaucoup les adversaires. Sur le dernier match, ce que j'ai senti contre Sochaux hier, la sortie de Florent Martin, on verra tout à l'heure, mais ils étaient complètement cuits les Sochaliens en seconde mi-temps. Mm. Paris, en fond, vous voyez, ça fait souvent la différence en seconde mi-temps. Ouais, mais pour parler de Lille, on parlait du pétage de plomb de Campos. Est-ce que justement c'est pas ce moment-là en fait que la raclée s'est dessinée, au-delà de la différence de niveau, au-delà de la différence physique. Ouais, parce qu'ils ont trop pensé qu'il était hors jeu, donc en fait ils sont restés sur cette action-là, quoi. Parce que du coup, au lieu d'avoir un esprit guerrier. Bah du coup tu reviens avec un sentiment d'injustice, un état d'esprit un peu loser en disant ouais, de toute façon voilà, c'est un gros, il est avantagé, on pourra faire ce qu'on veut, ça marchera pas. Sincèrement, vous avez pas eu l'impression de voir un vestiaire de district à la mi-temps en fait, on s'énervait contre Oui, j'ai eu cette sensation. Mais les gens du PSG, ils avaient pas compris. Les gens de PSG, ils étaient un peu incrédules, ils savaient pas pourquoi ils s'énervent. Et en seconde mi-temps, si vous avez vu l'émission sur Canal Plus J+1, on voit les joueurs discuter entre eux, mais ils parlent de quoi? Du hors-jeu? Oui, c'est moi qui étais hors-jeu, Cavani. Même les joueurs du PSG, on pas compris au début, mais après, j'ai trouvé la réaction des joueurs du PSG, sympa. Marrant. Vous souvenez-vous, ça aurait été avec Bielsa, ça aurait sûrement été autre chose. Il aurait rien dit. Non, il aurait rien dit, puis il aurait dit d'accepter. Vous vous souvenez un petit peu il s'en serait servi comme source de motivation, je pense. Voilà, vous vous souvenez un petit peu d'un truc qui s'était passé avec Marseille, où ils avaient pris un but un but qui n'était pas forcément valable. Il avait bien dit accepter cette injustice. Mettez-vous là bien dans la tête et vous allez voir en seconde période, je suis sûr que vous allez donner le meilleur de vous-même pour réparer cette injustice. Tu vois, rien que ça, je pense que Lille aurait abordé cette seconde période autrement. Là, en disant ouais, l'arbitre c'est un con, il nous a enflé d'un but, et ben. Non, mais il reste 45 minutes, hein, Et en seconde période, ils font n'importe quoi et voilà. Ils perdent le match à la mi-temps, c'est vrai. C'est pour ça, je pense que de la part d'un dirigeant, c'est grave d'avoir cette attitude-là, parce que tu mets pas en fait la problématique sur le terrain sportif. Et c'est le problème du foot en France, hein, en ce moment, hein, de voir des problèmes qu'au niveau de l'arbitre. Mais c'est pas forcément qu'au niveau professionnel, hein. Tu vois, tu regardes au niveau amateur, c'est ça, mais c'est vieux comme le foot, hein. Voilà, hein. C'est vieux comme le foot, hein. Ouais, à mort l'arbitre, quoi. En plus, à Lille, le problème, c'est que Galtier, il mise tout, en fait. Pénalty pour Lyon. Alors, excusez-moi, je regarde en même temps Montpellier-Lyon en Coupe de France. Et donc, il y a pénalty pour Lyon. Et le pénalty a l'air d'être pas très valable. D'ailleurs, bon, on reviendra tout à l'heure avant l'émission. Voilà, d'ailleurs, on reviendra un petit peu sur les dires de Bruno Genesio la semaine. On va juste revenir. Ouais, c'est. Il y a pénalty 10 fois par match. Si on fait ce genre de faute, je pense qu'on va en siffler plein de pénalty. Ils disent que c'est un scandale en plus là. C'est ouais, bon, commentateur. C'est... Bref. Ah, il y en a deux qui ne me diront pas. Ouais. Bref, donc ouais. On revient sur Lille. Non, ce que je disais, c'est que Galtier, il mise sa tactique sur un pourcentage de réussite en contre-attaque. Ouais. Et il mise tout sur le match nul dès l'entrée du match. Donc en plus, s'il se fait arnaquer par l'arbitre, il y a encore moins de pourcentage de pouvoir marquer. C'est ça. Et de gagner le match ou de revenir au score. Donc c'est compliqué pour lui. Et il mise tout en fait sur voilà quoi. Très peu de choses, vu qu'il n'a pas de tactique mise en place. Quoi. Voilà, malheureusement, donc on a appris que Lille, la DNCG, maintenait Lille en Ligue 2. Quoi. Ouais, la saison prochaine. Mais là, je me suis posé la question. C'est-à-dire que quand tu as une rétrogradation comme ça, ça veut dire que si tu descends sportivement, tu es rétrogradé en national. Alors, je sais pas, ça dépend, parce que là, ils sont en deuxième division, mais normalement, ça peut descendre en national. D'ailleurs, Sochaux aussi a appris qu'eux étaient rétrogradés en National 3, donc en CFA 2 quoi. Et vous avez entendu le discours de Marc Ingla, le président de Lille, juste avant le match. C'est une catastrophe. Ce mec, il est inconscient. Mais il est inconscient que Lille, Lille va droit dans le mur, quoi. Il a un discours complètement illusionniste. Enfin, je vous invite à le re-regarder dans l'émission 19h30 d'avant le match. Elle est sur le site de Canal+, mais c'est hallucinant. Hein. C'est une personne dangereuse pour le club de Lille. Il connaît le foot au moins, lui. Il connaît rien. Il parle d'économie comme si c'était un produit, un joueur. Mais sauf qu'il a acheté des joueurs qui valent pas ce qu'ils pensent. Donc ça veut bien dire que déjà l'actionnaire de Lille va, on le disait depuis le début, hein, il avait foutu en l'air l'équipe de Lotus en Formule 1. Ouais. Là il est en train de faire exactement la même chose avec Lille et ça c'est en train de se propager petit à petit. On va retrouver Lille, je sais pas si ce sera en Ligue 2, mais ça peut être pire que la Ligue 2, ça peut être comme Bastia. Hein. Ouais. Dommage pour cette région et puis les supporters du LOS qui encouragent pour venir à chaque match au stade, franchement. Ouais. C'est vrai qu'en plus, le stade, je sais pas comment vous le trouvez, ce stade, mais... Impersonnel. Bon, ça m'énerve, c'est le stade moderne. Voilà, c'est le stade moderne. C'est le stade moderne, quoi. Bon, par contre, après, bon, parce que moi, j'y étais pendant l'Euro. Ouais. Par contre, comme souvent, les stades modernes, par contre, il est quand même très confortable. Oui. Ça, on peut pas l'enlever. Et encore, quand je dis confortable... Moi, je suis le genre à regarder les matchs debout, hein. Pas être assis tranquille. On est vraiment à l'aise. On est vraiment à l'aise. C'est un bel outil de travail, mais c'est vrai que les stades modernes, ils manquent de caractère. Quoi. Moi, je reste un peu nostalgique de ces bons vieux stades comme ils ont en Italie, là, ciel ouvert, stade tribune rapprochée du terrain, là, avec, je sais pas. Carrément. Mais j'aime bien. Bah, franchement, sérieusement, j'adore ces stades. D'ailleurs, ils ont montré là sur J+1 là dimanche, ils ont montré l'équipe de Ranieri. Où a joué Ranieri, et c'est vraiment les stades que j'aime bien, moi, des stades assez ouverts comme ça. Même les stades américains. Voilà. Même les stades américains, je suis vraiment fan de ça. Moi, la Coupe du Monde 94, si vraiment j'étais aussi fan de cette Coupe du Monde, c'est en grande partie grâce au stade aussi, parce qu'il y a. Je sais pas, il y a un cachet dans ces stades-là, il y a quelque chose de magique dans ces stades-là, quoi. Je sais pas, ça s'explique pas, mais des stades fermés comme ils font maintenant, j'aime pas du tout, quoi. C'est des stades qui sont beaux de l'extérieur, ouais. Ils sont complètement impersonnels à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Alors qu'avant, c'était peut-être. Regardez Bordeaux, quand il y avait eu le Bordeaux Milan AC. Le stade le Parc Lescure, c'était autre chose, quoi. Enfin, c'était. Ouais. Voilà, c'était quand même un stade. Alors il y avait des tribunes fermées, mais le reste c'était un peu à ciel ouvert. Enfin voilà, il y avait une architecture qui était pas mal sur ce stade de Bordeaux. Maintenant, il est pas beau, le stade de Bordeaux, quoi. Ouais, il ressemble à rien. Il ressemble à plein de stades en Europe. Ouais, voilà, comme tu avais dit un peu au stade de Suisse là, de Bâle. Bâle ou Berne, je sais plus. Ouais. Un des deux là. Bah, tu me diras, en Autriche et en Suisse, il y a beaucoup de stades. C'est exactement pareil. Les nouveaux stades qu'ils font maintenant, c'est tout comme ça, quoi. Et c'est pas beau, quoi. C'est pas voilà. C'est tout ce qu'on pouvait dire hein, sur ce Lille PSG. Vous avez rien d'autre à ajouter? Non, à part non, que rien. Paris est premier, donc avec 62 points. On passe vite fait, on va parler hein, du grand match en dernier, hein, entre Monaco et Lyon. On va parler des autres résultats rapidement, avec une nouvelle victoire de Saint-Etienne sur Amiens, 2-0, avec des buts bah, de la nouvelle recrue Mathieu Debuchy, hein, qui marque dès son premier match, je crois, hein, c'était son premier match. C'est ça. Pareil, une petite surprise Mathieu Debuchy à Saint-Etienne. Moi, il y a un truc qui me fait plaisir. Je vous laisse parler après, excusez-moi de vous couper. Moi, il y a un truc qui me fait plaisir quand même dans ce mercato. C'est que les équipes comme Saint-Etienne ou Bordeaux, il y a quand même des joueurs d'expérience qui sont venus donner main forte, enfin donner la main à des équipes à des grandes équipes qu'on pensait un peu ringardes. Ils sont quand même venus donner un coup de main. Et ça fait quand même plaisir de voir ça, quoi. Parce que Saint-Etienne, ils auraient pu se retrouver avec des joueurs. Des arrivées avec des joueurs quelconques, même Bordeaux, et là on se retrouve avec Debuchy, avec qui c'est qu'il y a d'autres qui a signé à Subotic. Ouais, Subotic et trucs comme ça. Je trouve que c'est quand même de bonnes recrues pour Saint-Etienne. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est une belle équipe sur le papier là. Ouais, ils ont fait un bon mercato, ils ont pris des joueurs au poste qui manquait, c'est un truc intelligent. Ils ont pas pris des doublons qu'ils avaient déjà, etc. Non, c'est appréciable hein, de la part du recrutement des Stéphanois. Je pense qu'ils vont réussir à se maintenir grâce à ça. Normalement, ouais, là je pense que c'est bien parti. Donc là, victoire 2-0 contre Amiens, qui eux, bon, je pense que Amiens, si ça continue, ils descendent petit à petit vers la zone rouge. Ils sont à égalité de points. Alors de toute façon, il y a Angers, Amiens, donc le 16e, 17e et 18e qui sont exactement à égalité pour la place de barragiste. Donc Amiens en ce moment c'est vraiment très faible. Je crois que ça fait depuis un petit moment qu'ils n'ont pas gagné. Ils reçoivent Bordeaux le prochain match, ça va être compliqué hein, pour Amiens hein, de toute façon. Ouais, c'est Bordeaux là, ouais, c'est compliqué. Mais après c'est là qu'on se rend compte pour rester sur la thématique mercato, que ce mercato d'hiver en fait il fausse vraiment le championnat. Ah, voilà. Parce que du coup bah, les équipes qui se sont renforcées, bah, ça reste des équipes à gros budget. On en avait déjà parlé. Dans des podcasts précédents, et ça veut dire que ces équipes-là elles ont le droit à l'erreur. Elles peuvent se rattraper. Alors qu'une équipe comme Amiens, si elle voulait faire quelques retouches, ça va être compliqué. Bah, en fait, pour elle, c'est quasiment impossible. Parce qu'elle va être obligée de faire des paris un peu plus risqués en termes de profil de joueurs. Alors que là, voilà, oh, qui je vais prendre derrière? Oh, il y a Subotic. Oh, bah vas-y, hein, voilà, t'as de fortes chances de pas te tromper, quoi. Sauf si le mec il se blesse ou qu'il s'acclimate vraiment pas à l'environnement. Pareil, Debuchy, apparemment, Jean-Louis Gasset, il lui a vendu... Hey, moi, je connais l'équipe de France. Hein. Si tu fais le job, il y a moins que t'ailles à la Coupe du Monde. Ça va être compliqué. Bah, bien sûr. Bon, enfin, ouais, mais tu vois, bon, mais, d'accord, après, mais ça veut dire que ce club-là peut permettre de te mettre en lumière. Tu vois, Debuchy, il est à Amiens, on le regarderait pas. Non. Alors qu'à Saint-Etienne, on va le regarder. D'ailleurs, il y en a plein qui veulent se barrer d'Amiens. Kakuta, j'ai vu qu'il voulait partir déjà d'Amiens parce qu'il en a marre de perdre, en fait. Voilà. Ouais, bah après, il peut faire un peu plus. Hein. Voilà, quand ça tournait, on voyait que lui. Et puis, dès que ça tombe plus, c'est la faute des autres. Voilà, c'est ça. C'est un peu dommage. Et puis, surtout qu'après, ça veut dire que c'est les profils de joueurs. Parce que, voilà, Calcutta, ben, voilà, pour moi, je l'avais oublié. Hein. Je l'avais oublié. Hein, ah, moi aussi, hein, avant... c'est sûr. Voilà, alors que, voilà, bah, le mec, c'était un énième grand espoir du foot français. Et demain, peu importe où il va partir, même si c'est en Chine, aller chercher un gros contrat. Voilà, je pense que c'est le genre de joueur qui va oublier de dire merci à Amiens. Quoi. C'est sûr. Ensuite, donc Saint-Etienne qui remonte à la 12e place avec 29 points. Ensuite, on a eu Montpellier qui a battu Angers 2-1. Bon, après, Angers, voilà, c'est équipe de bas de tableau. Montpellier qui a fait le job, tout simplement. Ils ont raté leur première mi-temps. On va dire, ouais. Ces changements tactiques, ils sont passés de défense à 5 à 4 qui a changé le cours du match, sinon ils étaient très mal partis, ils étaient ballottés par une très bonne équipe d'Angers. C'est sûr. Ensuite, nous avons eu Nice qui a perdu à domicile face à Toulouse. Là, c'est une petite surprise. Oui et non, parce que ouais, Nice, c'est pas très constant en ce moment. Ils vont te faire un bon match par-ci, puis dans le match suivant, ils vont te le foirer complètement. D'ailleurs, je sais même pas si Balotelli jouait ce match-là. Non, il jouait pas. Il était suspendu. Voilà. Donc, est-ce que ça se sent quand Nice joue sans Balotelli On sent que l'équipe est un peu perdue sans lui. Ouais, voilà, hein, c'est ça. Ouais. Donc un peu moins de caractère. Voilà, c'est un peu ça. Bordeaux qui a battu Strasbourg 2-0 à Strasbourg. Bordeaux, bah pareil, voilà, avec le recrutement qu'il a eu, remonte petit à petit son 8e du classement. Bon, voilà, hein, rien à dire dessus. Juste que bon, bah ça, peut-être que la mayonnaise commence à prendre. Pour le moment, okay, c'est peut-être un peu trop tôt. Ouais. C'est un peu trop tôt. Bon, ils ont fait le bon coup contre Lyon. Et puis après, ils ont rencontré un Strasbourg, pareil, qui fait... moyen bah, pour l'instant, moyen depuis janvier. Il dégringole, hein, de toute façon, pour le moment, du classement. Ouais, mais après, au-delà du classement, ça reste toujours... au-delà de la place, je veux dire. Ouais. Ça reste quand même toujours serré au niveau des points. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Mm. Et on se rend compte, en fait, qu'on a un championnat où les équipes, en fait... non, même pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que on a un championnat en fait où les équipes fonctionnent par cycle. Mm. Et en gros, ta place aujourd'hui dans le championnat dépend de ton cycle. Tu vois, par exemple, on parle d'Angers qui est pas très bien, parce que justement, ils sont dans un cycle négatif. Et il suffit qu'ils repartent dans un cycle positif pour qu'ils remontent assez rapidement au classement. Je pense que on va avoir un sprint final haletant, parce que justement. Quand ça va commencer à coûter cher, il faudra pas être dans un cycle négatif justement. Mmh. Et des fois, est-ce que c'est pas dangereux d'être bien trop tôt dans ce championnat ? C'est ça, peut-être, ouais. Bon, c'est le temps qui le dira, hein, mais. Exactement. Mais voilà, aujourd'hui, la remontée au classement de Bordeaux le prouve. Aujourd'hui, on peut être inquiet pour personne, comme on peut être rassuré pour personne non plus, quoi. Exactement. Parce que ça va très vite. Même une équipe comme Montpellier, hein. Même une équipe comme Montpellier, hein. Bon là, ils ont un petit matelas, mais. Mais ça peut aller vite, quoi. C'est sûr. On passe au match de dimanche avec le derby breton entre le Stade Rennais et Guingamp. Match remporté par Guingamp dans les ultimes secondes avec un superbe but. Hein. Faut le mettre, hein, le but qu'il a mis Nbakoto, hein, ça c'est sûr. Mais il y a eu un petit fait de match. C'était en première période avec un pénalty sifflé pour Guingamp. Tout allait bien jusqu'au moment où l'arbitre décide d'annuler ce penalty. On ne sait pas trop pourquoi en fait. On n'arrive pas à trop comprendre parce qu'en plus il n'y a plus la vidéo, donc on ne sait pas ce qui s'est dit dans les oreillettes. Bon, c'est vrai que je sais pas. Je crois que le penalty il est assez généreux quand même, hein, pour Guingamp. Il n'est pas du tout penalty. Je veux dire brillant. Voilà. Tombe, mais je veux dire voilà, il n'y avait pas du tout penalty. Donc d'un côté c'était juste la décision, mais c'est vrai que c'est bizarre. Disons que le truc en lui-même, c'est que bon, le pénalty, il n'y a pas pénalty, d'accord, mais c'est de le siffler, puis de 2-3 minutes après, dire ben non, finalement, je siffle pas, sans donner d'explication, parce que l'arbitre n'a pas du tout donné d'explication, quoi. C'est ça le gros souci. Bref, okay. Guingamp qui gagne 1-0 sur un superbe but. On a eu ensuite, toujours dimanche, je suis perdu, voilà, c'est là. Alors nous avons eu Caen Nantes avec un très beau match. Enfin moi j'ai regardé le match en entier, j'ai trouvé que le match était assez sympa. Victoire de Caen, 3-2, et Nantes, pareil, qui montre encore qu'il est inconstant. Ils vont gagner un match la semaine d'avant et puis ils perdent le match suivant. Je sais pas, vous avez regardé ce match-là dimanche ? J'ai vu le résumé. Et par contre, on va revenir à un débat. Les Nantais ont crié au scandale sur le penalty transformé par Santini. Donc après, ils ont trouvé que c'était limite un scandale. Je sais pas si vous avez vu toutes ces images. Le penalty est vraiment assez limite. C'est-à-dire les Nantais étaient furasques. Ouais. C'est limite. C'est vrai que le penalty, après, il a complètement changé la physionomie. Après Caen qui marque 52e minute et puis Yacine Bamou qui réalise une superbe demi-volée. C'est vrai que le but il est quand même super joli. Puis après Caen qui prend l'avantage 80e minute de jeu. Voilà, bon bah on en revient encore à une énième décision arbitrale. Après c'est peut-être moins scandaleux que certains pénaltys qu'il y a eu cette saison, hein. C'est pareil. On peut pas, bon, on accable toujours l'arbitre, mais après voilà, ça dépend où il est placé. Voilà, c'est un éternel débat de toute façon l'arbitrage, hein. Était sûrement moins flagrant que le truc qu'avait fait le Lyonnais contre Toulouse, Mariano, ouais. Hein, c'est ça, hein. Mariano, c'est ça. Bah après le vrai souci, je pense que c'est que Nantes, je pense que si t'as envie de perdre de l'argent, tu tu les paris sportifs, tu les fais sur Nantes, quoi. C'est ça. Ils sont jamais présents quand tu les attends. Ils sont impronosticables. Mais c'est ça, c'est que tu dis contre Caen, ça, j'ai pas d'argent de formalité parce que c'est pas une équipe que Nantes qui met beaucoup de buts non plus. Mm. Mais s'ils sont sérieux, s'ils montrent ce qu'ils ont l'habitude de montrer, ça doit passer contre Caen. En plus, les mecs ils mènent, quoi. Donc à un moment, voilà, c'est facile d'aller pleurer à chercher des excuses à gauche à droite. Faites juste le job, quoi. Et prends pas deux buts sur coup de pied arrêté, et deux buts de Damien Da Silva, c'est deux coups de pied arrêtés. Donc un manque de concentration, je veux dire, les coups de pied. Tu te prends un but, ok, deux, c'est qu'il y a eu un manque. Damien Da Silva est tout seul sur le troisième but. Hein. C'est sûr. Après, je reviens sur ce joueur, j'aimerais faire un petit aparté parce qu'on en parle pas beaucoup, mais je trouve qu'il fait partie des très bons défenseurs qu'on a en Ligue 1. Ouais. Il est jamais décevant. Jamais vu mauvais ce défenseur. Ouais, peut-être qu'il sera une recrue pour un club un peu plus grand que Caen la saison prochaine, peut-être. Ouais, il va partir à Dortmund ou. voilà, mais bon, je pense. Si vous voyez ce que je veux dire. Je pense à un club français, mais il peut partir bien sûr en Angleterre, en Allemagne ou voilà, dans un club étranger. Quand je dis Dortmund, c'est pas par hasard. Hein. On avait l'ancien Lorientais j'ai son nom qui m'échappe, je suis désolé. Qui est international portugais maintenant, qui était reconnu par tout le monde. Excuse-moi. Rafael Guerreiro. Guerreiro. Ouais. Merci. Rafael Guerreiro, tout le monde était d'accord pour se dire c'est un super joueur. On a pas su le garder. En fait, tous nos gros clubs en fait n'ont jamais sauté dessus alors que j'ai regardé sur Beansport. Alors on peut critiquer ou pas Beansport, mais je trouve que leur ça ressemble un petit peu à ce que faisait l'équipe du dimanche avant, sauf que c'est des émissions qui sont chacune, c'est pas tous ensemble, c'est tous séparés. Il y a la Liga, il y a l'Italie et puis l'Allemagne présentée par Jean-Charles Sabatier. Et d'ailleurs, il faisait un comparatif avec tous les jeunes joueurs. Maintenant, de plus en plus de jeunes préfèrent signer en Allemagne, en fait, qu'en Angleterre. Et là, ils ont un vivier de jeunes qui viennent de signer en Allemagne. C'est impressionnant et il paraît que jeunes ils jouent. Voilà, parce que la plupart ils ont du temps de jeu par rapport en Angleterre quoi. Et dedans il y a pas mal de petites pépites qui peuvent se révéler bientôt dans ce championnat là quoi. Donc affaire à suivre. Et enfin on arrive au dernier match parce que Estac 3 Dijon a été reporté au mardi 20 février. On arrive à ce fameux match Monaco-Lyon qui s'est joué donc dimanche sur les antennes de Canal+, et qui a vu la victoire de Monaco 3-2. On va juste donner un petit peu, avant de te donner la parole, Joseph, si tu veux. Gabi, t'en as pensé quoi de ce match? Tu t'es régalé devant ce Monaco-Lyon? Ouais, j'ai apprécié en fait, je vais être honnête, hein, j'ai apprécié la première période, et pour moi le match était terminé en fait. Voilà, je suis parti à la mi-temps. Je suis désolé Joseph, comme je suis pas supporter d'aucune des équipes, donc j'ai eu du mal à regarder la suite du match quand il y avait 2-0. Après bon, il y a eu 2-1 avec la réduction du score, mais je voyais pas du tout Monaco revenir avec le carton rouge en plus. Je vais être honnête, moi non plus. Hein. Moi non plus. Et pourtant, je suis un fervent supporter. Hein. Ouais. Et franchement, pour moi, c'est une faute professionnelle qu'a fait les Lyonnais. Faute d'arrogance. Et tu vois, les Lyonnais qui font des mugs à droite à gauche pour une victoire, ils sont ridicules aujourd'hui. J'ai là un tweet où ils avaient dit, ils ont fait un mug après le match de Paris pour mieux boire la tasse contre Bordeaux et Monaco. Ah, bien joué. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais sinon, les deux premières actions lyonnaises, les buts sont magnifiques, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est des actions individuelles souvent. Chanceux le but de Mahano parce qu'il a été dévié et Subasic part en retard. Je sais pas si t'as vu son dépassement côté gauche. Il est battu. Bah de toute façon il est battu parce que la balle est déviée et puis bon bah après il s'explose sur le poteau. Il était encore sous observation. Ouais, il est toujours en soins, on sait pas s'il va revenir, s'il revient quand. C'est un peu bizarre. Par contre, on sait que Falcao c'est deux semaines d'arrêt, trois semaines. Moi j'ai vu 3-4 toi. Vous avez pas été un peu déçu sinon du fait que le stade n'était pas complet? Tout ça dommage, mais moi qui connais bien la région, je suis pas tellement surpris. Même pour les Lyonnais, je veux dire, les Lyonnais qui se déplacent pas, quoi. Les Marseillais, ils envahissent le stade, les Niçois aussi. Ouais. Là, les Lyonnais. Ah, c'est parce que c'est peut-être plus près, alors il y a moins de kilomètres à faire, j'en sais rien. Bah, le souci, c'est que bah, quand tu connais un peu en fait Monaco, les matchs à 21h, c'est soit tu vas en voiture, c'est ça. Soit tu vas pas. Parce que SNCF. C'est ça en fait c'est au niveau compliqué. De la SNCF. Mmh. Au niveau de la SNCF, si tu veux être sûr de choper le dernier train pour rentrer sur Nice, Nice ou Cannes ou les patins à côté, limite faut partir avant la fin du match. Quoi. Donc, aussi bête que ça puisse paraître, voilà, tant qu'il n'y aura pas des transports adaptés, on aura toujours du mal à faire le plein à Louis II. Moi j'ai vu deux matchs à Monaco, c'était pour les barrages de Ligue des Champions Valence et Real, moi qui étais à Menton à côté. C'est vrai que j'ai dû me dépêcher pour choper le dernier TER, heureusement, parce que les derniers TER là-bas, c'est ensuite c'est 23, même pas 23h. 23h, 23h20, ouais. C'est les derniers. Ah non, c'est clair. Et le pire, c'est que tu sais, tu pourras dire bah je prends un Uber pour rentrer. Mais Monaco, c'est pas la France. Donc t'es obligé de marcher en fait pour aller pour aller au Cap d'Ail, enfin voilà, enfin un petit patelin le plus proche. De la frontière française pour pouvoir commander ton Uber si tu veux rentrer. Ou sinon, tu rentres à pied. C'est un délire. C'était l'aparté transport. Hein. Ok, bon, non, ouais. C'est compliqué, Monaco, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais par contre, au niveau ballon, moi qui toutes les semaines me dis, je comprends pas ce que Jardim veut faire, je comprends pas les joueurs ce qu'ils proposent. Je crois que c'est la première fois où il y avait un semblant de football. Je ne sais pas si c'est lié au match du dimanche d'avant. Parce que mine de rien, en fait, ramener un point du Vélodrome, je pense que ça a en été... En ce moment, surtout, ouais. Surtout en ce moment, tu fais bien de le préciser. Surtout ouais. En ce moment, je pense que je vais pas aller jusqu'à dire que c'était un match fondateur. Comme celui-là non plus, j'ai pas allé m'enflammer non plus parce que c'est trop irrégulier Monaco aujourd'hui pour partir dans les enflammades. Mais je pense que ça a permis d'avoir une prise de conscience sur la qualité du groupe. Tout à l'heure qu'on parlait de Mitroglou, le fait qu'il doute ne permettait pas de démontrer tout ce qu'il savait faire. Bah, je pense qu'au niveau de l'équipe de Monaco, c'est un peu ça. Il n'y avait pas de, même si j'aime pas l'expression, il n'y a pas forcément de match référence. Et quand ils sont rentrés contre Lyon, on sentait déjà les mecs investis. On sentait que ils n'étaient pas forcément marqués par les absences, parce qu'il faut dire aussi que il manquait Sidibé qui avait été énorme contre Marseille. Les marques étaient toujours pas là. Déjà on part pas avec tous nos arguments et on se dit et finalement les remplaçants on va dire ils se disent on a un job à faire, on va le faire propre. Pour pas justement qu'on nous dise que si ça tombe pas, c'est parce que les titulaires sont pas là. Et je vais même aller plus loin, je pense que même on a même été aidé par l'expulsion de Baldé. Parce que l'équipe s'est retrouvée, on a senti un vrai collectif, tous les joueurs. Et j'ai vu à la fin d'un premier temps, il y a une scène qu'on a vue. Le regard d'André Radji, on sentait impliqué, habité déjà. On sait qu'il s'est un mec impliqué, mais là on sentait vraiment. Dans l'attitude des Monégas, j'ai trouvé pas du tout affolé à la fin d'après-midi. Ah non, mais de toute façon, Radji... J'ai senti plus nerveux les Lyonnais. Si vous regardez la fin de première mi-temps, où Memphis Depay ride après que Radji est un peu provoqué, j'ai senti les Monégas plus concentrés, moins nerveux que les Lyonnais. Ouais. Ça m'a laissé... Il n'y a pas Gachi sur le banc de touche, Monégas. Ouais, non, c'est clair. Non, mais de toute façon, Radji, son radio réveil, il sonne, il se lève, il est énervé déjà. C'est un rageux. Mais c'est un rageux. Mais pour revenir au match, il y a tellement en plus d'éléments contraires. Voilà, on parlait de la blessure de Subasic. Il y a beaucoup d'équipes qui baisseraient la tête. Nous, on l'a baissé, ce qui fait qu'on en prend un deuxième. On sent qu'on est parti pour prendre une raclée. Et pour la première fois de l'année, en fait, l'équipe a fait preuve de caractère. Quand on voit le but de Keita Baldé, le mec, son but, il se le fait tout seul, quoi. Y a beaucoup de gens qui l'ont enflammé en disant, ouais, c'est le Cristiano sénégalais. Ben, sans aller jusque là, il y avait du Ronaldo dans son but. Je sais pas si vous avez vu un peu les ralentis dans la posture, dans la puissance qu'il met dans l'accélération. Enfin bon, Ouais, il y avait vraiment du bon, Cristiano. Il a fait ses classes en Espagne aussi. Enfin, y a ouais, il, vient de la, il a joué à la Lazio, je crois, non? Ouais, il était à la Lazio l'année dernière. Il a vécu en Espagne de toute façon avant, hein, je crois. Oui. Je crois qu'il est à la Masia. Si, oui, si voilà, ouais, bon, après, ça n'a rien à voir avec Ronaldo, mais bon, bref, il a quand même un. Voilà, il a côtoyé du lourd, quoi. Voilà. Et ce qui était marrant, c'est que cette réaction d'orgueil, pour moi, elle n'allait pas venir. Et encore moins de ce joueur-là. Mm. Et encore moins de ce joueur-là, parce que c'est typiquement le joueur, on sent le potentiel, mais avec énormément de dilettantes. Mm. Et le fait que ce soit lui qui sème la révolte, ça fait plaisir. Et le but et le péno derrière, bah, beaucoup ont crié au scandale, on en reparlera après. Ouais. Mais je pense que ça allait dans le sens du jeu. Parce que l'arbitrage dans ce match-là était beaucoup dans le sens du vent, on va dire. Oh, il était, bah, bon, il était bon. Hein. Ah non, je veux dire, il était dans le sens du vent en fait. Quand Lyon avait la maîtrise du match, et encore maîtrise relative, parce que j'ai une théorie là-dessus par rapport à l'approche de Lyon des gros matchs. Et je vais même vous dire moi comment j'ai perçu la défaite lyonnaise. Ouais. L'arbitre, les coups de sifflet allaient plus facilement pour les Lyonnais. Et quand Monaco est revenu dans le match, bah, les coups de sifflet étaient plus pour eux. Ouais. Comme si en fait, bah, cette espèce de priorité au jeu. En fait, voilà, bon, on va avantager l'équipe qui joue. Et oui, pour revenir donc sur ma théorie par rapport à l'approche des gros matchs pour les Lyonnais, je pense que les Lyonnais, ce qui fait qu'ils perdent ce match, c'est l'absence de Touzard. Je sais pas. La perte, sa suspension était prévisible parce que je trouve qu'il apporte un équilibre au milieu défensif lyonnais, parce que Ndombele. À la base, c'est pas un 6 pour moi, c'est quelqu'un d'huile qui aime bien percuter un box-to-box, comme Mathieu dit. Mmh. C'est vraiment. Et son absence, ça s'est fait cruellement ressentir pour les Lyonnais. Ben, je vais même aller plus loin que ça, en fait. Au-delà de tout ce qui va être tactique, machin et tout. Bon, vous commencez à comprendre que moi, j'aime bien ce qu'il y a autour. La semaine dernière, on parlait un peu du vice. Et vous remarquerez que Lyon, dans les gros matchs, en fait, il joue beaucoup là-dessus. C'est à ça. L'envie sur le vice. Et si vous regardez bien le début de match en fait contre Monaco, Monaco en fait ne pouvait pas jouer parce qu'il y avait toujours un Lyonnais qui allait faire une faute à chercher la bonne faute but. Au bon endroit, voilà, en fait. C'est ça. Sauf que à un moment en fait ils en ont abusé. Et quand je dis que l'absence de Touzard a fait mal, c'est que bah, Touzard en fait il a ce profil de excusez-moi du terme de petite pute, on va dire, ouais. Pour aller faire ce genre, voilà, c'est le vice en gros, c'est un truc tu l'as ou tu l'as pas, et quand tu sais pas faire, à un moment tu te fais choper, bah, par la patrouille. Voilà, c'est ça. C'est Bobota par exemple au PSG, exactement. Exactement. Et je pense que bah, justement, quand tu fais preuve de vice et que tu fais ces petites fautes là, quand tu les fais à 60 mètres, mais qu'au fur et à mesure tu recules, bah à un moment, plus tu recules, plus ta faute, elle va être dans une zone dangereuse. Et là, pas de chance, en fait, parce que la faute, elle s'est retrouvée dans la surface. Et en plus, Glick, il a joué super bien. Voilà, enfin, Glick, ouais, il a bien joué le coup. Voilà, je pense, voilà, je savais que c'était un rageux, mais je pensais pas qu'il avait mais autant. Mais le pénalty est indiscutable. Qu'on regarde, d'ailleurs, les Lyonnais sont parvenus sur la décision du pénalty. C'est juste ça, c'est bizarre. Mais le pénalty est indiscutable pour Monaco. Tu fais bien de le relever, parce que moi, c'est exactement ce que je me suis dit. Parce que les commentaires, en gros, disaient qu'il était un peu sévère, et pour moi le vrai révélateur justement c'est que les Lyonnais ne contestent pas, parce que surtout il y a une règle qui est très simple, c'est quand t'es défenseur, si tu touches en l'air un attaquant en mouvement, forcément il y a une chance sur deux voire que tu cites penalty, que c'est voilà, parce que c'est une faute qui se voit en plus, c'est ça. Et voilà, et comme quoi le vice c'est un métier. Après, à voir sur les prochains matchs, parce que si on a ce même occasion, comment ça va être si fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'uniformité dans les décisions entre un match ou l'autre. C'est pour ça que c'est à surveiller, ce genre de décision. Parce que là, le pénalty est indiscutable, mais comme dit Pierre Ménès, il n'avait pas tout à fait tort, c'est que tu vas en siffler pas mal aussi. Mais après, alors, ça peut faire réfléchir les défenseurs, et puis ou les attaquants vont être un peu plus malins aussi. Et après, depuis que... Enfin, vas-y, je te... Non, je voulais juste dire. Ouais. Non, je voulais juste. Ouais, je voulais juste dire. Pour moi, en fait, c'est une utopie l'uniformité dans l'arbitrage. C'est comme si en fait on demandait en fait aux joueurs de tous jouer pareil. On a voilà que ce soit les joueurs, les arbitres, ils ont pas tous la même sensibilité. Et c'est pour ça qu'il y en a, ils vont les jouer plus facilement que d'autres. Il y en a, ils vont être plus pointilleux que d'autres. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours des décisions qui seront prises par un arbitre, qui ne seront pas forcément prises par un autre. Et d'ailleurs, pour moi, il y a un des joueurs qui n'a pas été bon pendant ce match côté lyonnais, c'est Aouar. Et depuis qu'il y a eu ce reportage sur lui, je trouve qu'Aouar, il est complètement à côté de... Et voilà. À côté de son match. Non mais c'est vrai, mais on en avait parlé. Ah, mais c'est la vérité, tu l'avais dit ça, ouais. vous pourrez écouter les auditeurs sur les anciens peut-être 2, 3, 4 podcasts avant celui-là. Depuis qu'Aouar est passé avec son reportage sur le CFC, il est fantomatique. Et ça s'est vérifié, et c'est vrai, quoi. Enfin, c'est ahurissant, quoi. Bah, l'année prochaine, il sera prêté à. Dans un autre club pour continuer sa carrière, ça va se passer comme vendu, ça. Voilà. Bon, peut-être pas, hein, mais ça en prend bien le chemin, quoi. Je sais pas. Et il y a un autre truc aussi, c'est que en ce moment, je trouve que Falcao, il est un peu pareil à côté. Enfin, on le voit pas trop. J'ai l'impression qu'il est un peu la poisse, Falcao. Donc, il a réussi quand même à marquer, mais s'y est repris à deux fois parce que sinon, le penalty, il était très mal tiré. Et j'ai l'impression qu'il a peur, enfin je sais pas, il y a la Coupe du Monde qui arrive, est-ce qu'il a pas un peu encore l'appréhension de ce qui s'était passé en 2013 avec justement ce qu'on parlait un petit peu en hors antenne. La blessure à Chastenay, ouais. Avec la blessure qu'il avait subie, est-ce que ça lui retrotte pas un peu dans la tête et est-ce qu'en ce moment il est pas trop en train de se ménager pour pas se blesser, quoi. Je sais pas, mais je le trouve moins bon c'est, depuis 3-4 matchs, quoi. Je dirais oui et non. Je te fais une réponse de Normand. Ouais. oui, parce que c'est vrai que sur certaines actions, on sent qu'il y a une bon espèce affiché, de retenue. Ouais. Et, mais après, il se donne quand même. Et je pense que le côté où on le voit moins, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que Monaco, c'est pas la même mécanique que l'année dernière. Et que surtout, ben, Mida, Falcao, ben, les années s'accumulent. Et il a plus forcément le physique pour enchaîner les matchs c'est tout sûr. Seul devant. L'année dernière, voilà, ben, il avait toujours un joueur autour de lui, quoi. C'était soit Germain, soit Mbappé. Là, cette année, il est tout seul en pointe. Et quand le ballon, il arrive pas, ben, quand t'es un attaquant comme lui, quand t'es une pointe isolée, si les ballons ils arrivent pas, ça génère une espèce de frustration, quoi. Et du coup, le mec il se lâche pas. Mais ça aussi, l'avoir Falcao dans son équipe au Monaco, ça entraîne la peur sur l'adversaire parce qu'on sait très bien que tu peux pas lâcher ce genre de joueur, même s'il est moins bien physiquement. On sait qu'à un moment, il a une occasion dans la surface, il va la mettre au fond. Voilà. C'est un danger pour moi. Falcao, même s'il est à 60% de son effectif, ça reste pour moi le danger numéro 1 de Monaco. Ah, bah clairement, c'est le danger numéro 1. Et sinon, vous avez pensé quoi, vous, du match de Ronny Lopez? Je sais pas si... Excellent. Et ça fait longtemps. Déjà, en Coupe de France, il a fait un bon match contre Lyon. Et là, je trouve qu'il est en train de petit à petit le confirmer. Et puis, on sent que Jardim l'a bien... donne tout. Enfin, son but est à l'image de ses prestations récentes, de toute façon. Il est en forme en ce moment. Ouais, parce que moi, là, en première mi-temps, justement, je le trouvais complètement en décalage avec le reste de l'équipe. En fait, soit il allait trop vite, soit il était trop lent. Enfin, il était vraiment seul au monde. Et j'ai l'impression que le fait d'être réduit à 10, ça lui a permis justement de se mettre au diapason. Parce que Jardim a dû leur dire à la mi-temps, voilà, si vous jouez pas ensemble, vous allez perdre tous ensemble, quoi. Et c'est vrai que voilà, mon point de vue, j'irai pas à dire qu'il a été bon sur tout le match, mais par contre sa deuxième mi-temps elle est exceptionnelle, quoi. Je mets aussi deux autres joueurs aussi, Fabinho qui revient bien contre Marseille, il a fait un excellent match, et puis là contre Lyon il était bon, et sorti de Tielemans, hein, ça fait longtemps que j'ai pas revu aussi bon. Ce jeune est très prometteur, et puis je pense qu'il avait un peu disparu après son bon match contre le PSG au Trophée des Champions. Mais là, je trouve que sur le dernier match contre Lyon, il a été très bon. Il a failli mettre un superbe but à un moment. Je trouve voilà, que c'est un joueur. Je pense qu'on va encore parler quelques matchs, mais je trouve qu'il a un énorme potentiel. C'est un mec qui a 20 ans. Voilà, je pense que déjà, on attendait beaucoup trop de lui faut le laisser un petit dans peu cette saison. On lui disait que c'était déjà la pépite pour Monaco. Mais il faut le laisser s'exprimer. Il a que 20 ans, le mec. Voilà, là, il commence petit à petit à montrer que ça peut être un bon joueur d'avenir. Et je serais pas étonné que dans 2-3 ans, bah, il soit une des pièces maîtresses de Monaco. Et pourquoi pas après d'être vendu dans un grand club. Mais il faut le laisser s'exprimer. Comme la plupart des joueurs qui viennent, on dit déjà que c'est des pépites. Là, il y a le jeune bah, qui a signé à Monaco. Il a à peine 17 ans, je crois. Hein, Benoît Bagassi. C'est ça ? Ah oui, ah, l'Italien, ouais, peut-être. Pellegrini, ouais. 16 ans. On dit déjà que c'est une pépite, on va même pas, il a même pas va jouer une minute encore là, je sais pas, non il n'a pas joué. Non, il a pas encore joué. Il a pas encore joué, on dit déjà que c'est un grand joueur et trucs comme ça. Je pense que d'ailleurs, c'est j'étais surpris qu'il soit sur le banc. Ouais. J'étais vraiment surpris qu'il soit sur le banc. Mais faut le laisser. Je pense que Jardim il va être bien. Je pense que Jardim est un coach très intelligent et je pense qu'il va réussir à le gérer. Moi j'ai Jardim de toute façon c'est un excellent entraîneur. Voilà, c'est un bon entraîneur et j'espère pour Monaco qu'ils vont le garder. Parce que je pense que Jardim, il a pas fini avec Monaco. Hein. Il va peut-être rester encore bah, jusqu'à ce que ça aille bien avec Monaco. Jusqu'à ce que, à mon avis, hein, si un jour Monaco ça va pas bien, qu'ils sont dixième, dans le milieu de tableau et trucs comme ça, peut-être qu'ils pourront s'en séparer. Mais après, je suis pas sûr que Monaco soit une équipe qui lâche comme ça des entraîneurs pour prendre de meilleurs. Enfin. Vous voyez ce que je veux dire, comme Marseille faisait à une époque, ils avaient viré qui pour prendre Beckenbauer, c'était Gilly, je crois. Total, je crois. Je pense qu'il est, encore un petit moment sur le rocher, de toute façon. Ce qu'il fait, c'est à questionner avec Monaco, parce que je pense que je me compte, pas contraire. Je sais pas, depuis qu'il est arrivé à Monaco, je sais pas combien de joueurs il a eu, peut-être une cinquantaine de joueurs, j'exagère, et puis s'il a fait avec Monaco depuis que. Deuxième, premier, troisième, deuxième, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Exceptionnel. Moi, je vais pas te dire son nom. Ouais. Ouais, tu peux le redire, moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Exceptionnel. Et en parlant d'exceptionnel, j'ai bien aimé la rentrée de Jovetic. Ouais. Ah, il était intéressant. La rentrée de Jovetic. Et ce qui est marrant, c'est que ça coïncide avec la sortie de Falcao, du coup. Et ça me rappelle le match de Monaco contre Lyon, même si ça avait été un match qui avait été perdu, où justement Monaco avait commencé à avoir la tête à l'endroit, pareil. Quand Falcao était sorti et Jovetic était rentré. Et je me dis, bah, est-ce que la blessure de Falcao, finalement, ça sera peut-être pas un mal pour un bien. Ouais. Ça a libéré les joueurs, tu penses, les attaquants pour cette période-là. Parce que justement, bah, ça va obliger à jouer différemment. Et peut-être, voilà, j'irai pas jusqu'à libérer les joueurs parce que je pense pas que Falcao ça soit un joueur qui bride les autres. mais quand on parlait de responsabilité, peut-être que ce sera plus simple justement pour toute l'équipe de prendre ses responsabilités et d'apporter en fait sa pierre à l'édifice. On verra au prochain match. Hein. Voilà. Parce que déjà, Keita Baldé qui est suspendu au prochain match, elle bat sur Falcao. Je pense qu'on a une forte chance que Jovetic soit titulaire en pointe. Ouais, et peut-être que le gamin il va jouer du coup. Hein. D'ailleurs, on va rappeler un peu les affiches de cette prochaine journée. On n'a pas tout à fait fini avec la Ligue 1 parce qu'il y a deux petits thèmes que j'aimerais aborder avant de passer à la Coupe de France. Parce que ça fait déjà une bonne heure qu'on parle de la Ligue 1. Bon, il y a toujours quelque chose à dire de toute façon sur la Ligue 1. Je vais juste rappeler un peu les rencontres de la semaine de ce vendredi qui arrive là. On va déjà avoir un choc quand même, Saint-Etienne qui reçoit Marseille, et déjà ça va être assez révélateur pour Marseille, savoir s'ils sont sur la bonne lancée. Ensuite on aura Toulouse PSG samedi. On aura Angers-Monaco, voilà justement, Monaco qui se déplace à Angers. On aura Bordeaux-Amiens, Dijon-Nice, Guingamp-Caen, Metz-Montpellier. On aura un Strasbourg 3, Nantes-Lille et enfin le match de 21h. Bon voilà, encore un match assez bizarre. Lyon qui reçoit Rennes. Voilà, c'est peut-être pas forcément l'affiche qu'on aurait préféré mais voir. À la Coupe d'Europe. Mais bon, comme il y a la Coupe d'Europe, voilà, on peut pas. Un match à pression pour quand même pour Lyon qui reste sur deux défaites, qui a mis la pression à ses joueurs. Ce sera un match à pression pour Lyon. Je vois très mal perdre contre Rennes, mais on sait jamais. Hein, on sait jamais. Mmh. Franchement. Voilà, donc ça c'était. On n'a pas fini avec la Ligue 1. Je voulais en arriver à. On va parler de Neymar justement. Ce sera d'abord mon premier. Pour le truc que je voudrais parler en premier. J'ai mis en titre. Je sais pas, c'est un peu. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Est-ce que la France elle aime vraiment Neymar? Alors quand je parle de la France, je parle pas forcément des supporters. Je parle plus des médias. Parce que tous les jours. On a un reportage, on a un titre sur Neymar. Neymar a fait ci. Donc là, ils ont beaucoup parlé de son anniversaire qui avait... ça a quand même pas mal pris de ligne sur... je parle de l'équipe parce que c'est plus ciblé sur eux, malheureusement. Parce qu'après, c'est les autres sites comme Eurosport qui reprennent les titres de l'équipe. Neymar a fêté son anniversaire, donc c'était une énorme fête. Donc ça a pas mal fait parler parce que Luis Gustavo, il est venu de Marseille pour aller à l'anniversaire de son ami, parce qu'ils sont amis, ils sont partenaires en sélection aussi. Beaucoup disaient, ouais, mais à l'époque, ça aurait été dans les années 90, il n'y aurait aucun Marseillais qui serait venu à un anniversaire de Parisien. Là, maintenant, tu parles d'une rivalité PSG-Marseille, t'as peu de joueurs maintenant qui... Enfin, tout le monde s'en fout presque de la rivalité. Ce sera plus un match pour les supporters, mais les joueurs, ils en ont plus rien à foutre de toute façon. Tu les vois, les mecs, ils se serrent la main, ils sont presque en train de se donner la collade avant l'entrée sur le terrain. On s'en prend trois, Neymar. Pourtant, c'est le mec qui était adulé presque à son arrivée en disant « Ouais, Neymar, ça va faire du bien à la Ligue 1 ». Et puis là, d'un seul coup, on s'en prend à lui en disant que « Ouais, finalement, le mec, il en fait trop. Pourquoi il fête son anniversaire à deux jours d'un match de Coupe de France ?» Moi, le seul truc... Qu'est-ce que ça peut leur faire, ça? Ben voilà, mais pourquoi il se mêle de sa vie privée? Enfin, merde, il fait ce qu'il veut. J'ai une théorie pour l'anniversaire. Je pense que PSG a voulu bien réaliser Neymar aussi. On a joué, il savait très bien que ça allait être pris. Donc, le fait que ça soit publié partout, d'un côté, c'était juste, je pense, que pour un peu faire chier les médias. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ma théorie. Aussi. Moi, le seul truc que je reproche à Neymar, c'est juste de choisir, je pense, certains matchs. Parce que c'est pas normal qu'à Dijon il aille pas se déplacer contre Sochaux, j'en sais rien, peut-être qu'il le préserve pour le Real parce que c'est un match qui arrive dans 7 jours. C'est peut-être ça. Mais il y a plein de matchs depuis avant le Real qu'il n'a pas joué, qu'il a sûrement pas voulu jouer. C'est ce que je peux lui reprocher. Après le reste, fêter son anniversaire avec 150 invités, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de parlever un joueur, de faire un chambrage, il fait ce qu'il veut. C'est pas le seul à le faire, le chambrage sur le terrain. Ouais. Moi, je comprends pas, cette presse. Moi, ça commence à m'énerver, l'équipe. Moi, je parle de l'équipe parce que ça revient à chaque fois à ce journal. Ce journal-là, maintenant, ne s'intéresse plus vraiment à l'esprit sportif. Il s'intéresse plus, pour vendre ses journaux, à l'en-dehors du foot, à le moindre geste de Neymar. Un de ces quatre, il va se curer le nez, il va se dire « Mais attends, il s'est curé le nez, ça se trouve, c'est un manque de respect envers Marseille. » Ouais, mais voilà, mais enfin, je trouve que ça devient de pire en pire, quoi. Mais tu sais, je vais te raconter une histoire, c'était justement le lendemain de l'anniversaire de Neymar, ou deux jours après, il y avait Thomas Meunier avec sa famille. C'était hier peut-être alors, parce que sinon c'est aujourd'hui. Il y avait Thomas Meunier avec sa famille en fait dans le jardin en train de faire un bonhomme de neige, et puis t'as des gens qui se sont amusés à mettre en bas, en commentaire, est-ce que c'est un manque de respect envers le Real de faire des bonhommes de neige dans le jardin une semaine avant le choc. C'était génial, quoi. T'as eu le joueur de Sochaux aussi qui a dit que c'était un manque de respect de fêter son anniversaire deux jours avant le match. Mais pourquoi c'est un manque de respect s'il veut fêter son anniversaire? On fait que le respect, on parle. Voilà. Au contraire, ils ont réussi à énerver le PSG parce que regardez Thiago Silva s'y a dit à la fin du match. Ils ont motivé les joueurs. En plus. Sérieusement, je pensais même pas à ce que Sochaux batte le PSG. Malgré, comme tu dis, la Coupe de France, ça se joue avec le cœur. Mais Sochaux, ils auraient pu mettre tout le cœur qu'ils voulaient. Ils n'auraient pas pu battre Paris. Moi, j'ai deux points de vue là-dessus. Ouais. Le premier, c'est que. Je crois qu'en France, il n'y a jamais autant de personnes qui s'intéressent au foot, oui. Mais il n'y a jamais autant de personnes qui ne le comprennent pas. C'est ça. Et qui, du coup, justement, pour ces gens-là, ce qu'on appelle communément les footix, pour eux, c'est des informations liées au foot. Et du coup, je pense que les médias en général... Dans ces gens-là, il y a des journalistes, c'est ça. Mais du coup, ces médias, en fait, le média, c'est adapté à son public. Et tu vois, quand on parle de Twitter, machin et tout, c'est l'apologie du néant. Voilà. Du coup, en fait, on a la même chose payant et sur papier, quoi. C'est ça. Mais pour moi, c'est même pire que les footix, parce qu'à l'époque, les footix, c'était des mecs qui s'étaient intéressés au foot grâce à la Coupe du Monde. Mais là, c'est des mecs qui critiquent, qui ne regardent même pas un match de Paris et qui osent ramener leurs fraises sur des... sur des faits de match, des trucs comme ça, et qui sont mais complètement à côté de hors sujet, quoi. C'est ça le truc. Ouais, mais c'est les mêmes, c'est juste qu'ils ont grandi. Ou qu'ils ont eu des mômes. Tu vois, c'est. Ouais, c'est les mêmes, voilà, ils ont éduqué leur. Ça parle de ça, tu vois. Enfin, c'est bête ce que je vais dire, mais ce qu'on reproche aux joueurs, moi des fois j'ai envie de le reprocher aux supporters. Je vais vous raconter une anecdote. L'année dernière, demi-finale Monaco-Juve. De Coupe d'Europe, pardon. De Ligue des Champions, même, je veux dire. Monaco-Juve. En fait, j'avais été voir le match dans les studios de beIN. Et en fait, devant nous, il y avait un supporter de Paris. Et ce supporter de Paris, en fait, était pour la Juve. Mais on lui dit, mais t'es français. Pourquoi t'es pour la Juve? Ouais, parce que pour lui, en fait, c'était pas concevable que Monaco aille plus loin que Paris dans la compète. Tu dis mais c'est quoi cet argument? Bon après, il se respecte, hein, c'est le sien. Il se respecte pas. Hein. Et à un moment on discute et le gars il commence à nous dire ouais mais à part champion vous aurez fait quoi dans cette saison? Vas-y, on arrête de parler. C'est déjà pas mal, champion. Si ça te dérange pas, on va arrêter de parler foot. C'est un peu le but, déjà. Voilà, et tu vois, c'est le genre de mec, en gros, aujourd'hui, c'est ça, les supporters de foot. C'est le genre de mec qui tient ce discours-là. Bon, c'est les mecs qui sont habillés comme Jules avec un survêt de l'OM. Ouais, voilà. Et un bas de survêt du Bayern, tu vois. Voilà, c'est ça. Ça t'envoie énormément. Et le truc aussi qui m'énerve, moi, c'est je reproche aux supporters, à des pseudo-supporters de Marseille, c'est de répondre à chaque fois que Paris perd en Ligue des Champions, marqué à jamais les premiers. Ouais. Mais j'aimerais bien après qu'ils argumentent sur le match qu'a joué Paris, savoir pourquoi ils ont perdu, s'ils arriveraient à placer quelques mots sur des arguments. Et je suis sûr que la plupart, ils l'ont même pas vu. Ils n'ont pas vu ça et ils vont oser mettre à jamais les premiers. Non, je suis désolé, quand tu as... C'est pour ça que moi je mets plus rien sur l'équipe et trucs comme ça, parce qu'il faudrait argumenter, tu tromberais toujours sur un con qui te dirait que c'est faux ce que tu mets, que... Enfin voilà, ouais. Tu vois, moi ça m'énerve maintenant. Mmh. C'est pour ça que je suis moins en moins aussi sur Facebook, parce que ça commence à devenir n'importe quoi, en fait. Ouais, c'est clair. Et sinon, mon deuxième point de vue, c'est par rapport à ce que tu disais sur l'anniversaire de Neymar, sur Meunier et son bonhomme des neiges. Mmh. Moi, ce qui me gêne, c'est que les gens ont souvent tendance à oublier que les footeux, jouer au foot, c'est leur boulot. C'est leur boulot. Et que, quand ils ont pas match, qu'ils ont pas entraînement, les mecs, ils sont en repos. C'est des hommes. Les mecs, ils sont en repos. Et ils ont encore le droit, quand ils sont de repos, de faire ce qu'ils veulent. Bah, s'ils veulent partir à Miami deux jours, ils ont le pognon pour, ils en profitent. Non, mais c'est ça. Les mecs, c'est leur jour de repos. Moi, c'est comme si demain, en fait, mon chef, il vient, il me dit, le dimanche, tu vas manger chez maman tous les dimanches. Bah non, moi, ça me plaît pas, t'iras plus. C'est ça. Parce que le comptable, il a dit, c'est pas normal qu'il ait mangé chez sa mère le dimanche. Bah non, c'est mon jour de repos, je fais ce que je veux. Les mecs, ils ont beau être fouteux, ils ont beau être des personnages publics. Ils font encore ce qu'ils veulent, quoi. Voilà, bah les gars, ils veulent, comme tu dis, veulent se curer le nez et mettre la photo de ce qu'il a trouvé sur Twitter. Fais-le. Si ça te plaît pas, tu regardes pas. Et Dieu sait que chez maman, ça doit être très bon, à mon avis. Je confirme. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, quoi. Enfin, je trouve que ça devient de pire en pire, quoi. C'est... Bon, voilà, enfin bon, on va pas rester une demi-heure dessus. Je trouve que on en fait trop un peu sur Neymar de scruter son moindre fait et geste. Est-ce que c'est pas encore pour déstabiliser? Tu vois, là, si Paris arrive à faire un bon résultat contre le Real au match aller, ça va faire comme l'année dernière. Tous les journaux vont dire que Paris, c'est génial. Et... Ouais, c'est même pire, on a gagné la Ligue des Champions. C'est même pire, mais si vous arrivez à gagner, c'est obligé qu'ils te reparlent de la remontada, c'est obligé qu'ils vont, pendant le temps entre le match retour au Parc des Princes, un mois d'écart, c'est obligé qu'ils vont nous casser les burnes avec ça, de toute façon. C'est obligé, de toute façon. Enfin voilà, bon, c'était à peu près mon... Mais par contre, pour répondre à ta question, la France aime-t-elle vraiment Neymar? Je vais pas dire que je représente la France, mais perso, je suis pas très fan. Mais c'est une question d'état d'esprit. Après, en fait. j'ai mis la France un peu. Ouais. C'était plus ciblé sur les médias français, peut-être. Ouais. Tu vois, ouais. C'est un peu moi qui me suis planté. Ouais. Non. Ouais, bah je suis pas trop fan de Neymar, mais je me suis toujours dit que pour la Ligue 1, ça pouvait toujours donner une bonne image. Non, mais ce que je veux dire, quand je dis j'aime pas, c'est que voilà, bah c'est un peu le porte-étendard du foot individualiste. Et c'est ça que j'aime pas. Voilà, on a beau dire ce qu'on veut, c'est un super joueur, machin et tout. Ah bah oui, bien sûr. Les mecs qui jouent pour mais lui. Mais je donnerais plus de crédit à Cavani, par exemple, qui c'est lui. Exactement ce que j'allais dire. Exactement ce que j'allais dire. Se mouille le maillot et a battu le record du PSG. Et ça, on pourra jamais lui reprocher de pas mouiller le maillot à Cavani. Bien au contraire, je pense qu'il le mouille même plus. Non, ça. Parce que tu vois, bon, je pense que quand il arrêtera sa carrière, on aura plus retenu Neymar que. Bah malheureusement, que Cavani, c'est ça, alors que Cavani. Que Cavani. Voilà. Mais par contre, je sais pas combien de temps il restera à Paris, mais s'il change pas d'attitude, Neymar à Paris, ce sera juste voilà, une ligne dans un bouquin en disant voilà, bah il y a une année ou deux, bah il y a ce mec-là qui a joué à Paris, mais c'est tout ce qu'il laissera. Tu partages notre avis, Gabi, là-dessus ou bon toi, je sais que Neymar quand même, pour toi c'est quand même quelqu'un, enfin ça te fait plaisir. Non, tout niveau football, il apporte quand même une visibilité sur la Ligue 1. Malheureusement, tu vois, je vous rejoins quand vous dites que Cavani, malgré lui, il a jamais choisi de pas être concurrent au Ballon d'Or, mais malgré lui, il se retrouve plus candidat au Ballon d'Or parce que les dirigeants du PSG ont décidé que ce serait Neymar qui pourrait avoir un Ballon d'Or au PSG. Et Cavani, je pense qu'au fond de lui, c'est quelqu'un de tellement modeste qu'il avouera jamais en fait qu'il est dégoûté de cette situation. On saura peut-être dans 10 ans quand il aura sorti un livre, peut-être qu'il avouera que. Mais c'est vrai que c'est pas son genre, je pense. Ouais, peut-être pas. C'est pas le style. Ouais, mais il a pas eu de chance. Il a vraiment pas eu de chance parce qu'à chaque fois il était barré par Ibrahimovic. Il a été barré par Ibrahimovic. Il a juste une saison l'année dernière où il était tout seul et ça a été sa meilleure saison pour moi. Enfin, je sais pas, ça a été. Il a été très très bon l'année dernière aussi. Ouais. Le jeu reposait beaucoup sur Cavani l'année dernière. Oui, Gabi, excuse-moi. Sa première année, quand Cavani est arrivé, la première année, j'ai trouvé très bon. Moi. C'est après, quand justement il y a eu les altercations avec Ibra dans le vestiaire, etc., que ça c'est un peu parti en vrille. Mais Cavani, il avait mis des super buts quand il est arrivé. Hein. Il y a des buts où il passe en revue 2-3 joueurs d'une défense, je sais plus si c'était Bastia ou une autre. Mais il a mis il des fait le ratio sur l'Andro contre Bastia, je me rappelle. Les performances contre mais Chelsea pour ou moi, enfin pour toi entre Ibrahimovic, Neymar et Cavani, pour toi qui restera le plus dans ton cœur en fait? Bah je pense que ça sera Cavani à la fin parce que c'est lui qui sera resté le plus longtemps. Et Ibrahimovic c'était un football vraiment individualiste parce que c'est un nomade du football, c'est un guerrier, il est pas dans l'esprit collectif, Ibrahimovic, voilà. Il a jamais été dans sa carrière. Même en équipe nationale, c'est ça le pire. Et Neymar, je pense que lui, il a un esprit collectif, mais il est trop axé sur le foot business. Et ça va le perdre. Tu vois, il a quel âge? Il a 26 ans. 26 ans. T'as l'impression qu'il a 30 ans déjà. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Ouais, même les Barcelonais, quand ils partent, tout le monde, tu sais, voilà. Tout le monde dit tout le monde disait, ah putain, on parle beaucoup, les mecs ils étaient contents qu'ils se barrent quoi. Ouais. Tu l'as su bien après, parce que bon, c'est vrai qu'avant qu'il parte à Paris, tout le monde dit ouais, faut qu'il reste, il va rester, c'est notre pote, et trucs comme ça. Et petit à petit, tu vois que les langues se délient et tu comprends qu'ils sont contents que Neymar soit parti, quoi. Et le Barça retrouve un jeu collectif, hein, je trouve, hein, depuis quelques mois là. Ouais. Ça joue pas mal, hein. Ça joue même mieux que l'année dernière. Hein. Donc je pense qu'il y avait quand même un problème. De toute façon, quand tu vois Neymar au Paris Saint-Germain qui traverse le terrain sans faire de passe, ça peut agacer plein de gens. Hein. Ah, tout le monde a joué au foot, on n'aime pas trop ça. Hein. Ah moi, comme je dis, t'as beau être dans mon équipe, j'aurais envie de te tacler. Voilà, ouais. ça, c'est des critiques qui sont fondées parce que il est agaçant, parce qu'il a un comportement des fois sur le terrain qui est pas forcément pour. Enfin, un comportement, disons, au niveau collectif, voilà, qui est pas forcément approprié. Par contre, parce que ce sont truc en dehors et trucs comme ça, on en a rien à foutre. Moi je préfère que ce soit des critiques comme toi t'es en train de faire, comme on est en train de faire sur le terrain, voilà. Sur le terrain. En dehors, il fait ce qu'il veut, le gars. C'est pas la peine de sortir tous les jours un article en disant. Bon, au niveau médiatique, c'est le Beckham d'aujourd'hui, je trouve. Ouais. Ouais, voilà, bah, c'est un peu le Beckham qu'il y avait eu à l'époque au Real, quoi, en fait. Ouais, qui s'était perdu. Ah, qui s'était perdu, qui avait pas du tout la même liberté. D'ailleurs, il y a un très beau livre que je, un très bon livre que je vous conseille. Ça s'appelle Sexus Footballicticus. Ah ouais. Ça parle un peu des en dehors du football, justement. Il parle de Beckham. Disons qu'à Manchester, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il s'était un peu mis dans la poche tous les paparazzi et trucs comme ça, qu'il n'a pas du tout réussi à faire en Espagne. Et ouais. Même, il disait qu'en Espagne, les paparazzi, même les journaux étaient encore plus sadiques que les Anglais. Ouais. Faut le faire quand même, parce qu'en Angleterre, c'est quand même, ils sont quand même dégueulasses en Angleterre. Hein, mais en Espagne, ils vont loin, des fois, les tabloïds en Angleterre. C'est... Ah bah, c'est des hyènes, mais des chacals même. Mais en Espagne, quand ils ont quelqu'un dans le nez, ils le quittent plus jusqu'au bout. Hein. Mmh. Et c'est ce qui s'était passé pour Beckham. Ouais. Donc, jusqu'à ce qu'il aille aux États-Unis, hein. qu'on le laisse beaucoup plus tranquille. Voilà, donc là, on arrête de parler de Neymar. Il y a un dernier truc que je voulais parler sur la Ligue 1. Bon, on va un petit peu plus empiéter sur une heure et demie, je pense, parce qu'après, on va parler de la Coupe de France. Je voulais parler aussi de la LFP qui commence, pareil, à devenir un peu... à faire n'importe quoi, à sanctionner les supporters chaque match, chaque journée. Il va y avoir un groupe de supporters qui va être interdit de stade. Et quand ils vont rentrer dans le terrain, dans le stade, sans écharpe, sans rien du tout, on va les arrêter. C'est ce qui s'est passé aux supporters bordelais à Strasbourg. Ils sont certains, sont restés en garde à vue plus d'une journée, juste pour avoir voulu regarder un match de leur équipe préférée. Oh là, pardon, là, c'est vraiment un scandale. Et d'ailleurs, je voudrais signaler le super comportement des supporters strasbourgeois qui ont arrêté de chanter pendant 5 minutes et qui vraiment un public vraiment remarquable dans l'attitude. Mais j'ai trouvé ça un scandale, c'est que maintenant, imaginons que moi et Joe veut dire on va à un match sans écharpe, on nous dit non désolé, vous n'êtes pas du coin, au revoir. C'est un scandale. C'est pas normal. C'est du repris de ta liberté, je veux dire. C'est... Exactement. Il pourrait porter plainte contre les autorités. Mais ça arrive souvent. Moi j'ai un ami qui est supporter de Marseille, qui habite à côté du Mans. Et une année en fait, il avait fait la route pour aller à Angers, pour voir Angers Marseille. Et en gros. Et pour rentrer dans son parcage, hein, pour rentrer dans le parcage visiteur, en gros, on lui avait dit non, non, faut que t'enlèves ton écharpe. Il dit ah mais je suis dans le parcage. Non, non, non, mais pas d'écharpe, pas de maillot, le plus neutre possible. Mais c'est la première fois qu'on en parle en plus. Oui, bien sûr. De ce non-respect. Parce que là, on parle de sanctions. Mais je sais pas si vous vous rappelez quand j'avais raconté l'anecdote Damien Monaco. Où, en gros, deux ou trois jours avant la date du match, tu sais pas dans quel stade ça va se jouer. C'est accepter en fait d'avoir en plus voilà Marseille je crois qu'il y avait une suspension partielle du stade, je crois qu'il y avait une tribune fermée. Ça peut être les sous-winners qui étaient fermés ce week-end. Voilà, quand c'est un match télévisé, enfin quand c'est un match premium, on va dire, tu peux pas proposer ça à tes abonnés. Enfin voilà, eux ils sont pas diffuseurs, mais ceux qui le choisissent. Moi je suis Canal+, je vais les voir, je vais dire me foutez de moi ou quoi. Je mets je sais pas combien de millions sur la table pour diffuser les matchs et j'ai une tribune qui est vide. Comment vous voulez après que mes abonnés ils aient envie de payer? Ils ont envie de payer. Comment vous voulez vendre après des droits à l'étranger? Exactement. En disant regardez la Ligue 1, c'est la folie. Puis tu montes un stade vide. En partie, non, tu vois. Parce qu'en plus, en général, les caméras sont dans les grands stades comme ça, elles bougent rarement. Donc c'est-à-dire que la télé, elle peut même pas forcément s'adapter en se disant bon, on va changer la caméra de place pour filmer que. Ah non, parce qu'ils ont leur emplacement prédéfini de toute façon. Hein. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas filmer de manière à que ça se voit pas. Qu'il y ait une tribune vide, du coup pour compenser, ils vont monter le niveau des micros du côté où ça chante un peu, tu vois. Et en plus, ça veut dire qu'on monte les spectateurs, quoi. On dira, oh, regarde, il y a une ambiance de fou. Mais non, en fait, c'est que dalle. C'est juste que le son, il crache un peu parce que l'ingé son, on lui a mis la pression, quoi. C'est ça. Mais c'est lamentable, ouais, c'est clair. Voilà. Mais ce qui va se passer, c'est que bientôt, pour avoir des vraies ambiances de foot, tu vas devoir aller dans les divisions inférieures. C'est ça. Dans les divisions inférieures. Parce que vu que c'est pas diffusé, je vais pas dire que tu fais ce que tu veux, mais t'auras plus de liberté, quoi. voilà, en région parisienne, y a... bon, moi j'ai jamais eu l'occasion d'aller à Bauer, mais apparemment c'est des ambiances de malades, quoi. Mmh. Voilà, bon, j'ai pas dire qu'ils ont pas forcément envie de monter plus haut, mais on a vu que voilà, juste en étant en Ligue 2, on leur a dit votre stade là où tout le monde est debout, ça chante, ça danse, non. Allez jouer à Beauvais, ça vous dérange pas Beauvais? Non, tu vois, c'est ça. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, normalement, je crois que la présidente, alors je sais pas si elle est invitée ou si c'est un reportage avec elle, ce sera sur le CFC dimanche prochain. Mmh. D'ailleurs, ils vont faire un reportage, je crois, sur la LFP, et je crois, hein, si j'ai bien compris, qu'elle est invitée au CFC dimanche prochain. Donc j'espère qu'ils vont lui poser un tas de questions sur pourquoi il y a autant de sévérité sur ça, quoi. Ouais, je dire, Camenel, ça va faire un plaisir de la cuisiner. À mon avis, ça va être du tirage. Parce que là, je trouve qu'on touche le fond quand même, hein, parce que d'arrêter, en plus, j'ai rien contre la police, j'ai rien contre... D'ailleurs, il y a la dernière fois, Cantona, hein, qui a été interviewé sur les CRS et sur la police, lui, il a dit, j'ai rien contre la police, il y en a des très bons, mais il y en a des très mauvais. Et il a été encore une fois bâché, comme quoi bah, Cantona il est devenu ringard. Ouais. Et pourtant, Cantona, j'ai adulé ce joueur. Oui, alors des fois il a déconné, d'accord. Mais il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont vraies. Et que peut-être 2-3 ans après, on se dit finalement, il avait raison. D'ailleurs, le truc des banques, quand il avait dit qu'il fallait retirer tout son pognon, ouais. On l'a pris pour un con. Mais putain, il s'est fait bâcher comme je sais pas quoi. Et puis là, maintenant... Bah, les mêmes gens qui l'ont critiqué se disent bah tiens finalement il avait pas si tort que ça. Ouais. Et c'est les mêmes gens qui répètent cette phrase de Cantona qui le critiquaient au moment où il avait sorti cette phrase là. Et d'ailleurs c'est ça qui m'énerve, c'est que les flics, enfin ils doivent savoir quand même, c'est les CRS même, ils doivent savoir quand même que ces mecs là ils viennent pas foutre la merde, ils venaient là juste pour voir le match. Et ils se font arrêter comme si c'était des criminels, les gars. Ils restent en garde à vue. Ils sont restés en garde à vue combien de temps? Une journée? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Une journée. Alors, j'ai jamais été en garde à vue, mais je sais quand même quand t'es en garde à vue, c'est pas une partie de plaisir, quoi. T'es interrogé, je sais pas, t'es mis dans une cellule. Ça doit pas être agréable. Franchement, le mec voulait juste voir le match. Il est foutu dans un presque comme en prison, quoi. Enfin, c'est dingue quand même ça, quoi. Et pour quel motif d'être venu supporter son équipe, voilà. Je veux dire, étant juste en spectateur neutre, carrément. C'est ça, parce qu'en plus, voilà, et bon, on peut que féliciter les supporters strasbourgeois d'avoir refusé de laisser dehors les Bordelais. Ouais. Voilà. Mais bon, je sais pas. Donc on verra ce qui va se passer dans les prochains mois, si la LFP va réfléchir un peu, mais je crois qu'on va vraiment droit dans le mur, quoi, avec cette mentalité. Non, mais il faut que les associations de supporters portent plainte contre la LFP, et je pense qu'ils auront un gain de cause à un moment donné, hein, parce que entre la liberté des individus et les interdictions de stade qui font des amalgames, c'est pas possible. On peut pas interdire tout le monde de voyager. Bon, c'est pareil, les gars. Bon, toi qui est en plus qui fait partie d'un groupe de supporters, Joseph, vous payez quand même un abonnement avec match domicile extérieur. Mais ça fait quand même tâche d'être à chaque fois interdit d'aller dans un stade alors que tu payes un abonnement, quoi. Enfin, c'est quand même ouais, mal, quoi. C'est fou, hein. Ouais, c'est. Mais après, même pour les matchs à l'extérieur, il n'y a pas de conducteur, on va dire. Pour garder un terme radiophonique, c'est selon le stade où tu vas, c'est jamais géré de la même manière. C'est tu sais jamais si tu vas être encadré ou pas. Enfin, moi j'ai des souvenirs de déplacements en car. Par exemple, c'est un exemple tout bête, hein, que je vais vous donner. Je crois que c'était un déplacement qu'on avait fait à Caen. Ouais. Quand notre car arrive et même après pour repartir, on était encadré par. Enfin, on avait une escorte policière. D'accord. Pour nous permettre d'arriver tranquillement. Ça paraît bizarre, mais ça montre en fait que voilà, dans ce stade-là, t'as accueilli. Alors qu'il y a des stades, ton car, il galère comme tous les autres véhicules. Et il suffit que t'aies 2-3 abrutis qui viennent, qui te lancent des trucs sur le car et tout. Et puis après, on va dire, ah, regarde, c'est encore des fouteux, machin. Tu vois, c'est ça. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de quelque chose d'écrit pour se dire, voilà, le supporter, on l'encadre, on fait ça de manière que ça se passe partout de la même façon. Et surtout qu'en général, enfin, les associations, elles sont connues. En France, dans l'ensemble, ils se tiennent plutôt bien, les supporters. À un moment, il faut arrêter de croire que c'est les hooligans anglais des années 80 où les gars ils font des fights. Il y a toujours des abrutis dans les supporters, mais faut y arrêter, quoi. Non, mais surtout qu'aujourd'hui, enfin, c'est super facile à identifier, il y a des caméras partout. C'est tout ce qu'il faut maintenant. C'est ça, donc arrêter de faire le malheur que ce soit les gentils qui payent pour les imbéciles, parce que les imbéciles, voilà, tu pourras jamais les empêcher de faire des conneries, tu vas juste déplacer la bêtise. C'est sûr. Bon, voilà, c'est tout pour la Ligue 1. Vous voulez rien rajouter de plus? Je pense qu'on a quand même bien fait le tour. On va passer à la Coupe de France. Alors bon, elle n'est pas terminée. D'ailleurs, en même temps, on est en train de regarder Lyon, enfin Montpellier-Lyon, et c'est Lyon qui mène 2-1. Alors on va... ah oui, bah on va en revenir d'ailleurs sur l'affaire du pénalty. J'ai oublié de parler de Genesio tout à l'heure qui avait pesté encore contre l'arbitrage. Contre Monsieur Texier, je veux dire, qui avait été sanctionné suite à, je veux dire, à son match où il avait accordé un pénalty pour Lyon contre Toulouse, et puis ils l'ont accusé de l'avoir remis contre Bordeaux. Voilà, il y avait ça, et puis il y a encore le pénalty contre Monaco. Et donc Bruno Genesio, il en veut à l'OM par rapport au pénalty, parce qu'il dit que depuis que Hérault avait dit que la saison 2016-2017, Lyon avait bénéficié de 19 pénaltys et que l'OM n'en avait bénéficié que 5. Depuis que Hérault avait parlé de ça, que l'OL était un peu lésé par les pénaltys. Voilà. Et ça prouve encore, là, quand tu regardes le pénalty contre Montpellier, c'est un petit peu discutable, quoi. On va pas revenir dessus parce qu'on en a parlé déjà avec Olas la semaine dernière. Mais c'est encore un énième. Il y a des récurrences. Hein. Voilà, ça devient ridicule. Rennes qui fait rigoler, Lyon qui fait pleurer. Voilà. Bref, on passe à la Coupe de France avec des surprises tout de même, avec la victoire des Herbiers sur Auxerre. Alors, on embrasse Flo, hein, qui a pas pu être là ce soir, mais qui aurait sûrement eu. Qu'aurait eu, je pense, pas mal de choses à dire sur ce match-là. Les Herbiers, donc club de National, qui a battu Auxerre par 3-0. Enfin, c'est quand même une grosse surprise, parce que Auxerre s'était défait de Nantes lors du tour précédent. Et là, ils viennent perdre contre une équipe de National. Et là, franchement, les Herbiers qui ont vraiment fait le match parfait hier, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez de ce match-là, mais ils ont fait le match parfait, les Herbiers, quoi. Victoire amplement méritée, parce qu'avant qu'ils marquent le penalty en première mi-temps, ils ont eu deux, trois grosses occasions qui avaient bien été sorties par le gardien Auxerrois. Mais la victoire est amplement méritée. Il n'y avait rien à dire là-dessus. Ah, c'est marrant, parce que moi, le score, je le trouve plutôt flatteur. Parce que je trouve que Auxerre a beaucoup vendangé. Auxerre a beaucoup d'occasions. Mais ça, c'est une... C'est le propre du foot, hein, si tu as des occasions. Et que tu les mets pas, ça sert à rien, quoi. C'est sûr. Ça sert à rien. Et j'aime pas cette expression, mais c'est la magie de la coupe, quoi. Il y a de moins en moins de surprises maintenant en Coupe de France, donc c'est toujours un truc bon à prendre, quoi. Un petit qui élimine un plus grand. En plus, Auxerre, ils se relancent bien en championnat, en plus. Donc, ils étaient sur une phase ascendante en Ligue 2. Donc, voilà, c'est quand même... pour moi, je dis que c'est une surprise, parce que voilà, c'est l'équipe de National qui bat la Ligue 2. Après, c'est vrai que dans le match, c'est pas forcément une surprise, parce que les Herbiers, ils sont beaucoup mieux débrouillés qu'Auxerre. Ah oui, ils ont été beaucoup plus efficaces. Voilà. La preuve, hein, c'est le pénalty qui est raté par Auxerre à 2-0. Voilà, je pense que s'ils le mettent, ils inversent la tendance. Mais il y a des fois, quand c'est pas ton soir, c'est pas ton soir, quoi. Gabi, tu l'avais regardé, ce match-là? Enfin, t'as... Pas du tout, non. Pas du tout. Mais pour toi, c'est une surprise quand même? Non, on va dire que je pense qu'Auxerre a fait un choix pour la fin de saison, et ils ont pris ce match-là sans vraiment de rigueur et de sérieux. Ouais. Je pense que Auxerre a d'autres problèmes plus importants. Et les Herbiers, par contre, c'est une petite histoire pour les Herbiers, pour par contre. C'est une histoire sympa à vivre. C'est pas la première fois qu'ils sont en quart de finale. Qu'ils arrivent en quart de finale. C'était leur deuxième huitième de finale, je crois, aux Herbiers, par rapport à Chambly. D'ailleurs, on arrive à Chambly qui a battu tout à l'heure Granville. Granville, ouais. Par un but à zéro. Alors pour moi, c'est une petite satisfaction. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la dernière fois, l'entraîneur de Granville avait un petit peu chambré Chambly, mais en pas forcément dans le bon sens. Il avait lors d'une interview dit Chambly c'est quoi, c'est des mecs d'1m90 qui font 300 kilos, un truc comme ça, tu vois. Il avait un peu taillé Chambly et bah écoute, Chambly a donné un petit peu la monnaie de la pièce à Granville en les battant. Alors bon, c'est une grande première. Alors s'il y avait je crois qu'il y avait une différence d'une division entre Chambly et Granville, je crois, hein. Ouais, je crois que c'est ça. Jambier a joué à domicile, entre guillemets, on faisait à domicile à Beauvais. Ouais, voilà. Le match a été délocalisé. Comme d'habitude, à Beauvais. Même Chambly aurait pu même marquer un deuxième but, ils ont loupé un pénalty. Mais bon, voilà, Chambly passe en quart de finale. Ensuite, Lens a battu 3, 1 but à 0. Il y avait 0-0 à la mi-temps pour les 3 matchs, hein, de toute façon. Ouais. Mais bon, c'est sympa pour Lens, mine de rien. Pour ce public, voilà, d'avoir une petite épopée en Coupe de France. Moi, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est vrai que s'ils pouvaient passer encore un tour et jouer à domicile, quand on parlait des stades vides, voilà, on pourrait avoir un stade plein avec une super ambiance. Moi, j'aime bien avoir un Lens PSG ou un Lens Marseille, ce serait une super ambiance, ce serait bien pour. Ouais, de toute façon, comme c'est parti, Lens, Marseille et Paris se tapent les plus petits pour arriver en finale. Voilà, finale. Bon, moi, je sens la finale bien pour arrangée. Moi, c'est la conspiration, enfin, un truc comme ça à la con, mais c'était peut-être pas fait exprès. Hein, c'était peut-être le tirage qui a voulu que ce soit comme ça. Hein, c'est comme pour la Coupe de la Ligue, n'est-ce pas, Joe? Moi, je sentais même que Monaco et Paris allaient s'affronter en finale quand on était les quarts. Après, je serais plus d'avis. Sauf que là, il y a encore. Bon, si ça se termine avec une victoire de Lyon. On aura quand même Lyon dans les parages. Voilà. Lyon, Paris, Marseille, c'est les trois rendez-vous pour l'instant des Coupes de France, c'est-à-dire c'est pour les quarts. Je suis plus d'avis que la LFP, c'était plus un tirage voulu, parce que la LFP, on sait bien que la Coupe de la Ligue, pour la vendre, ils veulent quand même, ils préfèrent que ce soit une grosse finale entre deux grosses équipes. On dirait des têtes de série. Donc, voilà. En Coupe de France, bon, c'est toujours la magie du petit qui bat le gros. Alors, je sais pas si c'était... je pense pas qu'il y ait une conspiration, entre guillemets. Voilà. Bref, il y a eu aussi Metz qui a perdu au tir au but face à Caen tout à l'heure. Ah, elle était phénoménale, la séance de péno. Ouais. C'est un festival de péno mal tiré. Et la Panenka, le dernier tir au but, franchement, limite faire ça. Alors que tu dois marquer de pénalty pour rester dans le match. C'est un scandale d'avoir tiré la Panenka. Là, je pense que Hans va le mec qui a été la raté, il va pas le mettre avant autant. Non, je te rejoins pas, Thibaut, sur la Panenka. Pas forcément que dans ce cas-là. Parce que la Panenka, en fait, quand tu la tentes, c'est soit t'es un génie, soit t'es un imbécile. Et là, il faut accepter que des fois ça passe pas, quoi. Quand on a pour attendre dire c'est clair. C'est clair, mais lui c'est à cause de la boue, voilà. Ouais, enfin bon, c'était un peu mal tiré aussi, hein, son truc, ouais. Bref, voilà, donc quand qui passe en quart de finale, on parle aussi de l'OM. Alors là, c'est pour moi, c'est, enfin, je savais que Marseille pouvait battre Bourg-Péronas, mais 9-0, c'est quand même là ça montre que Marseille, bon, alors c'est Bourg-Péronas, ils sont mal classés en... C'est Bourg-en-Bresse, excuse-moi, je te coupe, c'est Bourg-en-Bresse. Eh ben, ils mettent Bourg-Péronas, alors je suis en train de dire les conneries. Alors oui, c'est qu'en fait, Bourg-en-Bresse, c'est la fusion entre Bourg-Péronas et l'équipe de Bresse, enfin, Bourg-en-Bresse, en fait, c'est une fusion, en fait, si tu veux. Ouais. C'est pour ça que je dis Bourg-Péronas, c'est une connerie, c'est Bourg-en-Bresse, excuse-moi. Je suis en train de dire les conneries de Google, justement. Et donc Marseille qui a battu Bourg-en-Bresse 9-0. Alors c'est quand même... Marseille qui a fait un gros match hier tout de même, même si Bourg-en-Bresse est un mal classé de Ligue 2. Mais ils ont quand même joué jusqu'au bout, Marseille, quoi. En fait, ils sont match pas... très sérieux, puis voilà. Très appliqué, et la victoire est... Avec des beaux buts. Avec des beaux quatre, buts. 4 buts en 10 minutes, quoi. Voilà. Enfin, je sais pas si ça arrive souvent, mais voilà, entre la 10e et la 20e, ils mettent 4 buts. C'est juste hallucinant. Et d'ailleurs, je sais pas si vous êtes fait cette réflexion, Mais entre ce match-là et le match contre Metz, ça me rappelait un peu le PSG du début de saison, qui rentrait très vite dans ses matchs, et qui du coup se rendait les matchs faciles. Je ne sais pas si vous avez fait cette comparaison, même si elle est un peu osée. Moi, je vais faire une comparaison avec un match très plus frais, et Gabi va s'en souvenir, c'est le PSG Dijon. Où au bout de 3 minutes, au bout de un quart d'heure, si pas tu te rappelles, je crois, si pas de bêtises, il y avait déjà 3-0. On sentait déjà l'arrêt venir. Ouais. Avec la victoire de Paris 8 buts à 0 là, face à Dijon. Hein, c'est vrai. Mais après, c'est des équipes très faibles aussi. Mais ça, voilà, c'est vrai que là, c'est pas forcément une référence. Tactiquement, voilà. Ça propose rien du tout. Hein. C'est l'engagement, ça suffit pas à un moment donné. Il y a un peu plus de crédit contre Metz parce que Metz vendredi dernier, Metz malgré tout, c'est une équipe qui malgré qu'elle soit menée, continue à jouer. Là, Bourg-Péronnage, je pense qu'à 3-0, même 4-0, ils ont complètement abandonné. Pourtant, Marseille ils sont aussi en début de deuxième période. Ils sont relâchés Marseille et là je me suis dit putain c'est pas possible que Bourg-en-Bresse va en mettre un et ça va refaire exactement la même ça va être la même chanson que contre Metz en fait et en fait non bon ça s'est pas passé comme ça et puis bon bah là on a vu un triplé de Campos, un triplé de Mitroglou c'est pour ça qu'il neige. Bon, ça voilà. Alors là, tu vois, pour encore raconter, dire que c'est Google, ils sont pas du tout, à la page. Ils mettent que c'est un penalty de Dimitri Payet à la 13e minute, alors que c'est un coup franc. Ouais. Ils ont dû confondre avec la fin, avec un penalty de Clinton Engie. Bah, ils mettent bien qu'il y a penalty pour Clinton Engie, mais ils mettent qu'il y a que c'est sur penalty qu'a marqué Dimitri Payet. Bon, voilà. Je vais changer de site pour regarder le truc parce que c'est un peu ridicule. Là. Je vous avoue. Mais bref, bon voilà, Marseille qui a fait un carton, bon c'est contre une équipe de. Mais il faut aller le faire. Faut pas dénigrer sous cette victoire de l'OM qui reste sur cette performance actuelle, qui est des très bonnes performances. Exactement. Donc là, il y a 90e minute à peu près, Lyon en train de se qualifier. Hein. Bon moi j'ai 2 minutes de retard sur vous. Mais Lyon qui est parti pour se qualifier pour les quarts de finale. Demain, il y a Grenoble qui reçoit Strasbourg au Stade des Alpes. Je pense que le Stade des Alpes va être plein. Je passe un petit coucou à un copain, au mari de ma meilleure amie, hein, qui est grenoblois et qui est supporter de Lyon en même temps. Voilà, donc il sera sûrement au stade demain. Ensuite, on va parler du dernier match, hein, PSG qui se rendait à Sochaux. Donc voilà, les Sochaliens, un Sochalien, pardon, qui avait dit que Neymar, avec son anniversaire, c'est un manque de respect, que lui se couchait les soirs à 20h30 pour préparer le match. Voilà, bon, bah Neymar, de toute façon, ne jouait pas contre Sochaux. Donc l'affaire était déjà close depuis, depuis le début. Et lui s'est couché trop tôt, voilà. Et Paris a battu Sochaux par 4 buts à 1. Bon, on va revenir au bah, de toute façon, t'es supporter de Paris aussi, Thibaut. Ouais. On va juste donner la parole à Gabi. Bon, voilà, 4-1, c'était... c'est normal, de toute façon. Ça pouvait pas se passer autrement. Voilà. C'est un match facile, de toute manière, parce que ils sont toujours en train de préparer le Real et il faut qu'ils soient à 100% sur tous les matchs. Ils ont été dès le début présents, de toute façon, Paris. On voit que Unai Emery a mis une tactique en place qui sera pratiquement similaire à quelques jours près pour jouer le Real. Après, Kurzawa a été très mauvais, faut le dire, pendant le match. Il a jamais été défenseur... pendant 90% du temps, il s'est fait vraiment insulter sur Twitter. J'ai vu les commentaires, c'était catastrophique. Ils ont même repris le but en fait de Martin au début du match, justement où il est pas en train de défendre, il revient en marchant alors que l'action part en fait d'un mauvais alignement de la défense et il se retrouve face au gardien alors que Kurzawa devrait être côté droit pour couvrir justement le centre qui arrive après et mais bon c'est une prestation facile encore pour Paris parce que avec Di Maria le but qui arrive après 52 secondes de jeu je trouve que la Coupe de France malheureusement c'est tellement déséquilibré quand on équipe prend contre Paris. Il n'y a plus de magie. Non mais c'est même pas une histoire de magie. Pour moi la magie, comme dit Joseph, c'est de la connerie ça. Ça c'est quand une équipe pro se prend pas au jeu en fait et n'est pas sérieux sur le terrain parce que on a beau dire ce qu'on veut, mais quand une équipe professionnelle joue à son niveau, c'est impossible de les battre. Après, tu as des mecs qui n'ont pas envie de faire la saison en Coupe de France parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ils vont rencontrer Paris en demi ou en finale, ça, ils vont jamais la gagner. Et ils préfèrent se consacrer en championnat. Mais par contre, moi, je suis pour que les petites équipes comme les Herbiers, etc., ça leur fait une aventure, quoi. Voilà. Mais malheureusement, Sochaux, à un moment donné, même les commentateurs l'ont dit, l'engagement, ça suffit pas, il faut mettre quelque chose en place sur le terrain. C'est ça. Donc, pour battre Paris, il faut tomber sur un Paris en méforme. Je pense. C'est ça. Ça va être compliqué. Ouais, hein. Et encore. Il faut tomber contre un Paris. Si, il faudrait tomber, faudrait jouer un match de Coupe de France, un quart de finale, juste après juste après le match du Real. Enfin, admettons. Bah, Paris perd contre le Real et ça se entuber à peu près comme ce qui s'était passé l'année dernière. Faudrait tomber un quart de finale à ce moment-là contre Paris pour avoir des chances de battre Paris. Et puis le gros point faible, enfin un des gros points faibles que j'ai trouvé dans ce match, c'est encore une fois Verratti. Verratti, non, oui. Même pas, ouais, même pas, c'est. J'ai même pas envie de taper sur eux. Ouais, parce il était bon Alves, non, okay, non, ouais, après, Trapp, il est ridicule, il nous fait une partie plus ou moins convenable et il fait une ou deux cagagues, mais c'est pas énorme, ça apporte pas de but, quoi, on va dire. Mais quand on voit les prestations de Verratti qui se prennent encore, ils font encore des fautes inutiles. C'est n'importe quoi, il insulte l'arbitre, c'est pas normal. Et Lassana Diarra qui rentre et voilà, des fautes encore bêtes. C'est la doublure de Verratti. Tiens d'ailleurs, on n'en a jamais vraiment bien parlé. Toi, Lassana Diarra, t'en penses quoi de ce transfert à Paris? Non mais c'est ça, je vous dis ce qui va se passer, moi. Lassana Diarra contre le Real, il va se prendre deux jaunes, il va sortir. Ça va se terminer comme ça l'histoire. S'il joue, si Unai Emery le met, ça va se terminer comme ça. Il jouera pas, je pense. Je vois pas jouer contre le Real. Je trouve qu'il est pas encore prêt physiquement hier. Il a tiré la langue à la 70e minute. Je pense que faudra que, même si Rabiot n'est pas joué à ce poste, je pense que ça va être Rabiot en 6. Moi je vois ça comme ça. Et d'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Je vois que Di Maria, à chaque fois qu'il joue, il est quand même présent. D'ailleurs, il a marqué 3 buts hier. On peut dire que c'est contre Sochaux, mais bon, faut quand même les marquer, les 3 buts. Est-ce qu'il mérite une place de titulaire contre le Real? Je pense que oui. Ouais. Pour moi, oui. Je pense, parce qu'il est régulier, voilà. C'est ça qu'il faut voir. À chaque fois qu'il rentre, il fait toujours un beau match. Rabiot qui était sur 2 blessures, qui n'a pas joué pendant 2 matchs, il devrait revenir. Et puis je pense que la défense centrale, ça va être Berchi, Alves, ça va être le retour de Marquinhos. Donc oui, ça va être un mixte. Ce ne sera pas l'équipe type, mais je pense qu'il y aura, je veux dire, une grosse partie des membres qui vont jouer. Mais il y aura une grosse équipe quand même. Ouais, et puis Diarra va jouer aussi, je pense, mais bon. On va voir ce qu'il va faire. Moi je remettrais Thiago Motta pour lui donner du rythme. Je serais pas surpris de voir Thiago Motta titulaire. Pour lui donner un peu de rythme. T'aurais pas peur qu'il se blesse aussi, lui, Mota? J'aurais peur qu'il se blesse sur un match à Toulouse. Faut pas avoir la peur de se blesser, franchement. Parce que si les mecs, déjà, ils pensent à la blessure contre le Real, c'est... Non, mais il revient de blessure. Il revient de blessure, ouais. Encore. Alors, il risque de jouer... quand tu reviens blessé, des fois, c'est pas... T'es pas à 100% de toute façon. Hein. Moi, je pense pas qu'ils aient peur de la blessure, parce que j'ai bien vu hier contre Sochaux, ils ont fait les efforts ils ont fait les efforts physiquement. C'est-à-dire, certes, ils ont pas été agressés physiquement en deux, mais là, Toulouse, c'est sûr que c'est une équipe... On va mettre pas mal de coups, ça c'est certain. Donc avec les gens contre Julien, Diop, pas des mecs qui jouent dans la dentelle, donc entre le cas de dire. Donc je pense que c'est pas plus mal d'avoir ce match-là contre Toulouse, une équipe qui joue sa survie, qui va vouloir à tout prix nous battre. C'est pas plus ça mal pour un payer bon sur le match. Avant, une bonne préparation avant, physique. Avant le Real, quoi. Et bah revenons-en au match du Real. Vous pensez que c'est possible en voyant un peu les prestations du Real? Moi perso, je vais juste vous donner mon avis. Moi je pense que on met les compteurs à zéro parce qu'un match de Ligue des Champions, ça s'aborde pas pareil qu'un match de championnat. D'accord. Bon après voilà, ça c'est mon avis, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je me fie pas du tout au résultat du Real Madrid en ce moment, certes, c'est pas glorieux, j'écoute un peu même sur RSC que Fred Hermé dit que c'est pas un grand Real, ils ont entre guillemets, je veux dire, ils sont pas du tout en confiance, mais en Ligue des Champions, j'ai aucun doute que le Real Madrid sera prêt. Ça sera le Real. J'ai pas de doute là-dessus. Et tous ceux qui croient qu'on va leur dire ouais ça va être facile, qu'on va gagner 2-3-0, mais c'est pas mal connaître avec des champions et ce qu'est le Real Madrid. Il y en a, ils disaient ça contre Barcelone, qu'ils allaient gagner 4-5-0, et c'est vrai qu'au match aller ils avaient gagné 4-0. Bon. Mais ouais, ça va pas être facile contre le Real de toute façon, de toute manière. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Gabi, toi. Non, non, ça va être remis à zéro les compteurs, c'est certain. Parce que de toute manière, le championnat pour eux, c'est fini. Ouais. La Coupe du Roi s'est terminée aussi. Ils se sont laissés aller complètement. De toute façon, quand tu as gagné deux Ligues des Champions consécutives, les Coupes Intercontinentales, il n'y a plus grand-chose à gagner, sauf les grandes compétitions que tu apprécies. Tu as gagné la troisième, tu dis jamais 203, de trois d'affilée, c'est... voilà, non mais ça voilà. Ça serait exceptionnel. Je pense que Zidane, ouais. il va trouver les bons mots pour donner la motivation nécessaire pour le Real. Mais il y a juste une petite histoire qui est sortie avec Fred Hermel, là, sur RMC. Il y a eu une altercation entre Ramos et Ronaldo à la fin du match contre Leganés. Par rapport à Ronaldo qui est toujours en train d'aller piailler pour augmenter son contrat et avoir un salaire équivalent ou supérieur à Messi. Et ça agace tout le monde, il paraît, en ce moment. Donc on va voir contre le PSG si vraiment cette histoire-là c'est encore d'actualité sur le terrain. C'est pas le bon moment, franchement. Ronaldo, alors je commence à apprécier ce mec-là. Parce que c'est un professionnel jusqu'au bout des ongles. Ça, de toute façon, on ne peut pas le renier. Le souci, c'est ça, c'est de vouloir, juste parce que Messi gagne plus que lui, vouloir avoir un salaire meilleur. Putain, le mec, il gagne quand même bien sa vie. Il est peut-être un des meilleurs qui gagne sa vie. Faut qu'il essaye de penser à... Enfin, s'il a quelque chose avec le Real, faut qu'il essaye de penser au match, quoi. Ça, c'est secondaire, franchement. Il va pas être clochard à la fin de la saison. Bah, je pense que à vu l'âge qu'il a, ça l'intéresse plus trop. ça l'intéresse plus trop le terrain. Pour lui, c'est sportif, complémentaire. Ouais, il en a rien à foutre, ouais. Mais malheureusement, non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Et c'est pas qu'il en a rien à faire. Mais c'est complémentaire en fait. Si tu veux, je pense que lui, il veut vraiment assurer ses arrières pour sa fin de vie. Et l'argent avec le fisc aussi. Donc je pense qu'il doit. Ouais, il doit avoir assez en fond. J'espère. Hein, mais... j'espère pour lui. Mais je pense que ça devient complémentaire le football à ce niveau-là maintenant. C'est plus primordial. Quand t'es un joueur comme la pub qui rapporte de l'argent. Ouais, puis voilà, t'as 60 pour... en général, t'as 60% de publicité qui sur ton contrat salarial du mois, quoi, en général, et 40% du football. Mais bon. Ouais, pour moi, c'est voilà, on met les compteurs à zéro. J'espère quand même voir un beau match, quoi. Ah, il y aura un beau match, c'est certain. Ouais, j'espère voir un bon Real, quoi. Ça serait bien, quoi, de voir vraiment Paris. Est-ce que c'est vraiment une équipe, une bonne équipe, parce que c'est compliqué de dire en Ligue 1, parce qu'à part Marseille où ils ont un peu peiné contre Lyon ou voilà contre Monaco. Mais tu les connais les points faibles de Paris de toute manière, voilà. C'est le gardien et puis et un latéral. C'est ça le problème. Et donc quoi qu'il arrive, le Real va taper dessus, hein. Ça c'est évident. Tu vas avoir des frappes de loin, tu vas avoir des débordements de Gareth Bale, tu vas voir tout ça, hein, c'est prédit d'avance. Après, est-ce qu'il y aura la réussite, c'est tout. Hein. Après, moi, je vois bien Emery... Neymar défendre plus. Hein. Neymar, je pense que sur ce Neymar, il défendra pas. Tu verras, il défendra pas. Je sais pas si c'est un match où il sait qu'il est attendu. Il je a pense jamais qu'il en fera un peu plus. Il a jamais défendu de sa vie, Neymar. Ouais. Bah après, je pense que Emery va peut-être tenter Alves à gauche. Et Meunier à droite. Pense que... voilà, c'est s'il veut mettre toutes les chances de son côté, et Dieu sait que pourtant moi j'aime bien Kurzawa, je pense que ouais, c'est il le garde sous pression en faisant jouer Berchich, mais je pense qu'il mettra Daniel, parce que si tu veux aller loin dans cette Ligue des Champions, je pense qu'à un moment t'es obligé de faire jeu meunier. Ah ouais, t'es obligé. T'es obligé de faire jouer. Surtout qu'il est toujours très, toujours bon. J'ai rarement mauvais, rarement. Et tu peux pas, vu la place que Calves il prend dans le vestiaire, tu peux pas ne pas le faire jouer. Donc aussi, je pense je pense qu'il va le faire jouer à gauche. Et, comme ça, il va s'affranchir des critiques de l'extérieur, parce que c'est pas Kurzawa qui jouera. Et le clan des Brésiliens sera content parce qu'Alves, même s'il va râler parce qu'il joue pas sur son côté, il sera content parce qu'il joue quand même, quoi. En plus, comme il a une sacrée frappe, c'est dingue que lui, sur son côté gauche, il pourra aussi rentrer pour il sera utile sur les coups francs. Ouais. Ouais. Et puis le Real Madrid, c'est les matchs où, je veux dire, il a plusieurs fois joué avec le Barça, donc il sait ce que c'est, ce genre de match. Donc, mettez Alves, je pense, sur ce match-là, je ne vois pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement, Emery, de pas le mettre. Par contre, je m'attends à un match aller plutôt fermé. Je pense que le match aller, ça va être un round d'observation. Et que le vrai voilà, match retour. Et que le vrai match ce sera au parc, au parc, ouais. Ah, tu penses? Moi, je vois un match fou au match aller. Moi, dès le match aller? Dès le match ouais, aller, deux, je deux. Pense. Parce que le Real, je pense qu'ils jouent tellement gros sur leur saison. S'ils font un match nul chez eux, c'est pour eux, c'est une défaite. Ouais. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Le Real, ils vont essayer de mettre deux buts d'écart dès le match aller, à mon avis. Ouais. Ils vont essayer de tout donner. Et après, c'est le problème de notre Real Madrid, c'est que le public peut très vite se retourner contre son équipe. Imaginons que Paris, je sais pas, ouais, mise je le sais score pas. Au bout d'un quart d'heure de jeu. Ça, c'est tu peux déjà douter. C'est une équipe qui mentalement peut être fragile. Si Paris saute à la gorge du Real Madrid, ils n'ont pas le choix autrement, et qu'ils ils ouvrent le score, je pense que Madrid, actuellement, quand ils prennent un but, ils sont très fragiles mentalement. Après, c'est avec des champions. Ouais. Mais ils peuvent être fragiles. Ils peuvent être fragiles mentalement, le Real. Bah, actuellement, en championnat il aussi, ils ont du mal quand ils se prennent un but avec le public. Bah, je donne un exemple déjà contre Leganes et qu'on. Tu vas me dire, il y a l'histoire de Leganés. C'est le dernier match qu'ils font, 2-2 à l'extérieur, ouais. Où ils ont pris des buts. Dès qu'ils ont marqué, ils ont pris des buts très évitables. C'était pas une grande équipe en face, mais ils ont été. Et puis contre Leganés, c'était impressionnant. Je veux dire, ils perdent 2-1, ils sont alignés à 2-1 à domicile au Bernabéu. On sent que mentalement, même quand ils ont pris le deuxième but, je pensais qu'ils allaient après réagir, attaquer. On sentait vraiment que j'ai jamais senti à aucun moment pouvoir marquer le égaliser. Et sur un match aller-retour en plus. Hein. À ce match aller-retour. En plus. C'est dingue. Hein. Ouais, après avoir gagné 1-0 à l'extérieur. Ouais. Bah écoute, de toute manière, ça va être difficile de prévoir le résultat. Je m'attends à un gros Real quand même. Quoi qu'il bah arrive. Ouais, parce que c'est leur dernier gros match de la saison, on va dire. Donc, je pense que va les remonter comme des pendules. Ça, c'est certain. Pense, ouais. Ouais, mais les champions, faut pas s'étonner qu'ils se réveillent à un moment donné. Hein. Les grands joueurs comme ça, ils s'éteignent pas aussi vite qu'on pense. Hein. Tu vois Zidane en 2006, les parties qu'il a fait en Coupe du Monde, jamais de la vie t'aurais pensé ça, quoi. C'est clair. Tu vois, Ramos, Ronaldo, c'est des grands compétiteurs. Il faut pas prendre le match à la légère pour les Parisiens. C'est clair. Mais bon. Voilà, bah écoutez, réponse le 14 février. Alors désolé pour toutes les femmes qui auraient préféré avoir un petit rendez-vous aux chandelles dans un bon petit resto, ben ouais. Ça sera sûrement pas pour bah quelle idée aussi de le foutre le 14 février, mais ouais, ça fait 2 ans d'affilée, hein. Ça fait 2 années d'affilée en plus. Voilà, ouais. Ça fait 2 années d'affilée, ouais. Enfin bref, vous aurez tout le temps d'avoir d'autres cadeaux les autres jours. Ça sera l'anniversaire de Di Maria et Cavani. En plus, voilà. Eh ben merci les gars d'avoir participé à ce podcast. Alors il est un peu plus long que d'habitude, mais on avait pas mal de choses à dire. Hein. On avait pas mal L'actualité de choses était à dire. Très riche. Voilà, elle va devenir de plus en plus riche, je pense encore. C'est sûr, c'est sûr. Et puis ben merci beaucoup donc d'avoir participé à ce podcast. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors on ne sait pas, peut-être qu'on fera un podcast lundi avec la journée de championnat. Et puis on en refera un autre jeudi après la Ligue des Champions. Je pense que ce sera pas mal comme ça. Hein. Gabi, t'en penses quoi? Ouais, c'est possible. Ouais, on fera comme ça, parce que si de faire tout d'un coup, ça va peut-être faire trop long. Hein. On aura peut-être beaucoup de choses à dire sur ce Real PSG et puis sur les autres matchs qu'il y a eu. Donc on verra. Voilà. Et ben sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Mais encore merci de nous écouter. Vous êtes encore de plus en plus nombreux. J'ai vu que les stats avaient presque explosé depuis que l'on est sur Deezer. Et ben continuez comme ça à nous écouter. Et à très bientôt, salut les gars. Excusez-moi les gars, je vais terminer cette émission pour faire une petite big dédicace à ma meilleure amie, mon pote, qui ont eu un bébé qui est né samedi. Donc je vais leur dédier cette pas émission. Pas de souci, la dédicace est passée. Et à puis, Mathias et à Sylvie Philippe. Voilà. Ok. Merci. Et la dédicace est passée. Salut les gars, à très bientôt. Salut à bientôt les gars. Ciao.